l'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau. Oui, mais c'est que Mario m'a tout dit ça avant, je trouvais ça assez original, c'est pas que ça... C'est bien. Si tu répètes pas ce que moi je veux dire, bon, ils ont changé le fauteuil, ça c'est pas pire. Ça c'est le fauteuil de la femme, ça c'est le fauteuil de l'homme. Ah, sérieusement, vous savez, c'est des fauteuils authentiques. Et puis les femmes à l'époque avaient des grandes robes, vous avez pas connu ça vous autres. Puis les dossiers sont beaucoup plus bas que les dossiers de l'homme. Donc l'initiation de la femme ce soir, c'est de... Et puis l'homme peut s'écarter les coudes. La femme est toujours... Vous pourrez observer les photos. Les photos de les femmes sont toujours le dos rond, bas, puis l'homme est bien à côté. Il faudra changer ses chaises à l'entraque. Hein? Bon. Je me sens très bien dans la mienne. Oui, ça j'imagine. Alors pour l'initiation, à quoi cela peut-il ressembler, l'initiation dans l'ère du Verseau? Bon, ça c'est des questions que tu avais... Que j'ai préparées, oui. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut avoir l'air, l'initiation. Non, moi non plus. Moi non plus. Bon, on va en parler, puis on va découvrir des choses. Bon, qu'est-ce qu'une initiation? Une initiation, c'est un terme intéressant qui, normalement, désigne l'apprentissage de la sagesse. Donc, si on veut parler d'initiation, et on peut parler aussi d'ignition, c'est-à-dire... le passage de l'humain dans un événement qui va le forger par le feu. Ignace, feu, initiation ou initiation. Donc, normalement, lorsqu'on parle d'initiation, on s'attend à entrevoir un événement qui peut être dangereux pour l'humain, qui devrait normalement le forger, lui permettre de renaître ou de poursuivre, disons, son amélioration, son ascension, d'une façon améliorée, d'une façon plus forte. Normalement, celui qui a traverser une initiation, on l'appelle un initié. Et je crois qu'on, beaucoup d'entre vous connaissez déjà le terme initié et on a comme stéréotype d'un initié un peu un maître. Normalement, on est d'un initié, on devrait être jaloux. Si on est ce que j'appelle l'homme ancien, pas d'un initié, on devrait être jaloux. On devrait, si on est un homme ancien, rechercher les initiations. Facile, évidemment, une initiation comme ça qui te permet au moins de te valoriser, mais qui n'amène pas nécessairement à l'humain ce qu'il a besoin. Alors, si on parle de l'initiation de l'humanité, les termes de l'Antiquité qui parlent d'initiation vont s'appeler Apocalypse, vont s'appeler Fin du monde, vont s'appeler Millennium, vont s'appeler Âge d'or, Kreta Yoga, vont s'appeler différentes choses. Et c'est évidemment une initiation en ce sens que l'humanité devra, comme on dit souvent, passer ou trépasser. Trépasser, je veux dire passer trois fois, se réessayer souvent. Bien comprendre. Lorsque je parle de fin du monde, je parle de la fin d'un monde. Je ne parle pas de la fin de la planète Terre. C'est pas immédiatement qu'on va connaître ce genre de choses. C'est dans quelques millions d'années. Alors donc, l'initiation, c'est un événement. L'initiation de l'humanité, c'est donc un événement planétaire. L'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau, c'est donc un événement planétaire qui est commencé et qui devra se vivre au cours des dizaines d'années qui viennent. Maintenant, il restera à savoir de quel genre d'initiation, évidemment, on va faire référence. Ouais, c'est justement à quel genre d'initiation. Est-ce qu'il va y avoir des initiés qui vont venir d'ailleurs ou ça va être une initiation sur la planète? Bon, évidemment, ça plaît à l'homme d'espérer que des initiés, des maîtres, des sauveurs, des extraterrestres, des dieux ou des anges ou archanges viennent de l'extérieur pour venir prendre la main des pauvres petits humains aveugles et de pouvoir les traîner tel un troupeau grégaire vers un paradis, vers une Jérusalem céleste, vers une autre planète à bord de soucoupe volante, ou en simplement venir prendre la possession monopolique de tous les gouvernements planétaires pour créer un gouvernement mondial. Il y a une chose intéressante, c'est que les problèmes de l'homme sont entre les mains de l'homme. Et chaque fois que l'être humain veut envisager la possibilité d'être secouru par une intervention extérieure ou une intervention extraterrestre ou une intervention extra-humaine, intervention divine par exemple, lorsque nous abordons le phénomène de l'initiation, donc le phénomène de l'apocalypse ou le phénomène des temps actuels et des temps qui viennent, si on essaie de dire que l'être humain ne doit pas se fier à l'extraterrestrialité de son plan d'évolution, lorsque je dis que l'être humain est un terrestre extra et il n'a pas besoin d'extraterrestres pour venir l'aider, cela veut simplement dire que l'humain doit se réveiller. Il faut bien comprendre que si, et il faut bien effectivement bien comprendre que si l'humain, à un moment donné, se ferait sauver ça ne le rendrait pas intelligent. Si l'humain se fait aider, l'humain ne passe pas d'initiation. Si l'humain ne passe pas d'initiation, l'humain reste ce qu'il est. Si l'humain reste ce qu'il est et qu'on le sauve, ben si on le remet sur une planète, il va recommencer. Donc, si l'humain reste ce qu'il est, si l'humain est sauvé et s'il est placé sur une autre planète, on devra le mettre dans un enclos, dans un package, comme on fait avec les animaux, parce que sinon, l'homme va recommencer. La seule condition, et c'est la condition sine qua non pour que l'homme ne recommence pas, c'est qu'il soit exterminé ou qu'il soit initié. Un ou l'autre. Parce que si on dit on a plein de problèmes, c'est pollué, il y a des dangers de guerre, etc., c'est un problème humain. Alors si à un moment donné, des extraterrestres viennent empêcher l'apocalypse, ils viennent tout régler, ben, autant éliminer l'humain. Parce qu'en fin de compte, si l'humain n'est pas capable de se prendre en main, d'ailleurs c'est un humain, il devrait se mettre des mitaines, oui, s'il ne peut pas se prendre en main pour arriver à traverser cet hiver nucléaire qui s'en vient, ou qui peut s'en venir, ça ne sert à rien. Si on pense sauver l'humanité, on peut aussi penser exterminer l'humanité. Parce que si on a un chien qui est enragé, qui mord tout le monde, ben si on attache le chien, on ne règle pas le problème du chien. On règle le problème de ceux qui sont mordus, mais pas le problème du chien. Dans le cas qui nous occupe, le chien, c'est l'homme. Alors, attacher l'homme ne réglera pas le problème de la pollution. C'est un peu comme si on éliminait, on ôtait des mains de l'homme toute la science, toute la technologie. Ben, l'homme ne polluera plus. Le problème est réglé. Pas le problème de l'homme, le problème de la pollution. Si on ôte des mains de l'homme toute forme d'armes, les couteaux de cuisine, les marteaux, les scies mécaniques, parce qu'on a une imagination en masse, toute forme de choses pouvant servir d'armes, ben on règle le problème des guerres, on règle le problème de ces choses-là, quoique l'homme est suffisamment belligérant pour se battre à coups de poing. Mais enfin, si on élimine ce qui pourrait servir à l'homme à se battre, on règle le problème de la guerre, mais on ne règle pas le problème de l'homme. Donc, si on parle d'évolution améliorative, si on parle d'humanité, si on parle d'ère nouvelle, ça ne sera pas une ère nouvelle qui, à un moment donné, va apparaître poussant l'ère ancienne, puis l'humain, lui, il reste sur place, puis il tombe dans l'ère nouvelle. Il y a beaucoup qui pensent ça. Les spiritualistes s'illusionnent de ceci. Un jour, il y a la guerre, et soudainement, la paix va pousser la guerre, et puis l'homme, restant le même, va se ramasser dans un monde de paix. On en a un monde de paix. Les arbres ne nous attaquent pas. C'est rare que les bancs de neige chagorent sur les autos. C'est extrêmement rare que les éléphants viennent essayer de massacrer une ville. On n'est plus envahi par les bisons quand on dort la nuit dans nos tipis. Il y a la paix sur la planète. Il y a un problème, l'homme. J'ai été j'ai déjà couché sur des plages absolument désertes en Amérique centrale. 25 000 de plages désertes, il y a quelques palmiers, des petits cossins. Tu dors là, les scorpions restent dans des noix de coco un peu pourries la nuit, donc ça va bien, il n'y a pas de danger. Et puis, on te couche, tu te prépares à dormir, tu sors ton couteau de chasse, tu le places prêt, pour la simple raison qu'il y a un danger, l'homme. Tu vas camper sur les plages du Mexique, j'ai rencontré des gens qui ont très bien dormi, sauf que le lendemain matin, leur tente était déchirée à coups de couteau, puis il n'y a plus de sac à dos, il n'y a plus de choses dedans. Ça veut dire que si se serait réveillé, il serait fait tuer. Il y a un danger, l'homme. J'ai dormi dans les Andes, en Amérique du Sud. Impeccable. Un seul problème, encore une fois, l'homme. J'ai dormi dans différentes jungles, dont l'Amazonie, les jaguars, pas tellement dangereux. Les tarentules, c'est pas trop pire, on se promène avec un chapeau, on se sent bien. Mais un problème, encore une fois, l'homme. L'homme peut porter un habit d'indigène, l'homme peut porter un habit militaire dans ces pays, l'homme peut porter un habit de police au Mexique, l'homme peut porter un habit, quel que soit l'habit, mais un problème l'homme. Alors si on veut parler d'ère nouvelle, bien évidemment il y a un facteur massif. L'ère nouvelle ne s'adresse pas aux écureuils, l'ère nouvelle ne s'adresse pas aux chats, l'ère nouvelle ne s'adresse pas aux gazelles ni aux hippopotames, l'ère nouvelle s'adresse à l'homme. Et l'ère nouvelle ne peut pas apparaître tant que l'homme est tout à fait adapté à l'ère ancienne. À l'ère piscéenne, l'ère du poisson. Si l'homme veut devenir un être aquarien, un être relié ou adapté à l'ère du Verseau, il faut comprendre quand on parle de Verseau, je ne parle pas de Verseau spirituellement. Je parle d'une chronologie astrale, c'est-à-dire que notre soleil va pénétrer dans une constellation qui porte le nom de Verseau, et c'est pourquoi on parle d'ère du Verseau. On peut évidemment, disons, la spiritualiser et amener un paquet d'idées astrologiques au niveau du Verseau, mais moi je parle astronomiquement. Donc, il faut comprendre que n'importe quelle chose de neuve et de bonne, c'est pour l'homme. Mais si l'homme n'est pas apte à vivre à l'intérieur, évidemment, cette chose n'arrivera jamais. Et c'est pourquoi que si on veut, ou si on pense, ou si on va vers une ère nouvelle, ben, il y aura évidemment une initiation avant. L'humain doit changer. Est-ce que c'est pour ça que tu associes initiation et apocalypse? C'est-tu le prix à payer absolument, l'apocalypse? Bon, l'apocalypse veut dire révélation. Révélation, et si on veut traduire le terme exact, apocalypse veut dire révélation de choses passées ou présentes. Donc, si on fait référence à l'apocalypse de Jean de Patmos, donc de Saint Jean, c'est une révélation de choses passées ou présentes, et non pas de choses à venir. Si on veut, par contre, faire un parallélisme avec les prophéties de Michel de Nostradamus, lui parle, prétend parler de l'avenir. Edgar Cayce prétend parler de l'avenir. Jean 23 prétend parler de l'avenir. Malachi prétend parler de l'avenir, et on en a un bon paquet. Ils parlent tous de feu, de sang, d'épidémie, de maladie, de guerre et d'explosion nucléaire. Si on va au Pentagone, on est prophète de malheur aussi. Si on va en France, on est prophète de malheur. On va en Angleterre, on rencontre des personnes qui sont assez huppées et ils nous instruisent qu'ils ont des avions, des Boeing, qui sont en permanence 24 heures sur 24, nolisés, prêts à décoller de l'Angleterre pour se diriger vers les États-Unis. Et chacun a déjà son billet là-dedans. Il paie régulièrement, à tous les mois ou à tous les ans, dépendant des portefeuilles, cet avion, l'entretien et tout cela. Parce que si à un moment donné, on sent une pression un peu trop forte des pays de l'Est, ces personnes partent 24 heures sur 24, leurs avions sont prêts, ils s'en viennent aux États-Unis d'Amérique. Alors donc, demandons-leur pas s'ils pensent que la paix va apparaître sans initiation. Ils sont déjà prêts, sacré le camp. Bon, alors donc, si on parle d'ère nouvelle, avec une humanité comme nous la connaissons, vous savez qu'il y a des problèmes sur la planète. Il y a des raisons intelligentes à ce qu'il y ait des problèmes. Mais on est au Canada, on est ici, et nous-mêmes, on vit déjà de problèmes sociaux d'une façon aussi incroyable que dans les pays sous-développés. Parce qu'on va dire, dans un pays sous-développé, où l'eau coule à 50, 100, 200, 300 pieds sous terre, comment font-ils pour ne pas être capables de creuser des puits et régler leurs problèmes de sécheresse? Et on peut aussi rentrer dans un hôpital, voir autant de patients dans un corridor que dans une chambre, et on peut se poser la même question. Bon, on peut aller dans un CLSC, on peut aller dans une clinique, on peut aller chez un dentiste, on peut se promener dans les rues embouteillées de Montréal à certaines heures et on peut se poser la même question. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, même si le contexte est différent, la même question se pose. Pourquoi l'homme ne semble-t-il pas avoir suffisamment d'intelligence pour régler un problème, disons, qui l'occupe de son présent? Parce que l'homme semble n'avoir d'intelligence que pour régler les problèmes du passé. Ici, on a réglé nos problèmes d'eau. Alors, on est expérimenté pour régler les problèmes des autres pays. Ici, on a réglé notre problème d'électricité. Alors, on est expérimenté pour régler le problème des autres. Sauf que on a certains problèmes, et là, on va regarder ce qui se passe en Norvège, en Suède, en Allemagne, aux États-Unis, en France, pour voir quelles solutions ils appliquent, et après, on va régler nos problèmes à nous. L'homme n'a pas l'intelligence de régler les problèmes instantanés, les problèmes vivants, les problèmes qui l'occupent. On dirait même fondamentalement que l'humanité ancienne a la pertinence de chialer contre le présent et de régler que le passé. Ce qui crée des sociétés de cure, ce qui fait qu'à un moment donné, la société devient malade et on la guérit. Mais on ne peut pas l'entretenir parce qu'on est trop occupé à la guérir. Alors, si on parle d'apocalypse, c'est un terme qui, évidemment, fait peur à bien des gens. C'est un terme qui est refusé par d'autres gens. Certains vont dire, soyons positifs. Oui. C'est pas ce qui va empêcher une bombe de tomber. C'est pas ce qui va empêcher un accident d'auto. C'est pas ce qui va empêcher quoi que ce soit. Parce que si on est positif et que près de 3 milliards d'humains sont négatifs, faudrait être positif en maudit. Faudrait être positif à un point tel qu'il faudra avoir des armes suffisamment puissantes pour détruire ceux qui sont négatifs. D'ailleurs, c'est ce que les Soviétiques ont fait et c'est ce que les Américains ont fait. Ils sont positifs. Ils veulent la paix tous les deux. Alors, ils braquent chacun leurs armes les uns sur les autres. Et ils sont positifs. Ben oui, parce que les explosions nucléaires, ça fonctionne avec des choses positives. Ça, c'est de la physique. Enfin, ils sont très positifs. Oui. Apocalypse, si on veut parler de l'antithèse, l'antipode, disons, de l'apothéose, donc la destruction, c'est-à-dire une initiation massive avec destruction de la matière qui permet à l'humain d'être sécure. Destruction des principes religieux pour la simple raison que, apparemment, les pouvoirs divins ou les pouvoirs théologiques n'ont pas la puissance d'arrêter le fléau scientifique, militaire, guerrier, bellique, humain. Si on parle d'apocalypse en ce sens que l'on veut parler de la Terre qui, à un moment donné, il y a des mouvements de certains continents, on a des plaques sismiques et on a une partie de la planète Terre de surface qui est en remontée vers le nord. Et le nord ne veut pas bouger. Évidemment, ça crée des tremblements de terre au niveau de tout ce rassemblement de plaques. Alors, on a une courbe qui coupe l'Italie, qui coupe le Mexique, enfin, qui fait le tour de la Terre. Et évidemment, on a la fameuse faille de Santa Andrea. J'ai dit souvent qu'un jour, lorsque certaines choses seront finies ésotériquement au niveau de la Californie, que le Québec s'avérerait libéré parce que Saint-André travaille pour nous. Lorsqu'on me demandait, Saint-André, ouais, travaille vraiment. Oui. Alors aujourd'hui, je peux traduire Saint-André en espagnol, Sant'Andreas, et on fait évidemment référence à une des plus grandes failles sismiques qui couvre un continent habité. D'ailleurs, il y a plus qu'une faille. Alors si on parle donc de l'apocalypse dans le sens tremblement de terre, raz-de-marée, etc., ben évidemment, ça devient intéressant. Les conjonctures ne sont pas extraordinaires pour la simple raison que l'humanité n'a jamais passé plus de 30-35 ans sans faire de guerre, disons, à grande échelle. Ça fait 40-45-50 ans qu'on n'a pas eu de guerre. L'humanité connaît des cycles d'augmentation de problèmes sismiques. Alors, on n'aura peut-être pas plus de tremblements de terre qu'en 1873. Sauf que ça risque d'arriver dans un temps où l'humanité va rencontrer aussi des cycles de raz-de-marée. Ça risque d'arriver dans un temps où l'humanité va rencontrer des cycles économiques où, à un moment donné, on en arrive à un point tel que les contextes économiques des pays majeurs sont tellement instables que les investisseurs n'auront plus confiance dans ces pays, donc n'investiront plus, ce qui va entraîner évidemment une chute des devises monétaires, une chute évidemment de la structure capitaliste, une chute d'un paquet de choses. Ce qui engendre dans la psychologie de l'homme de l'insécurité. Et normalement, cette insécurité-là, jusqu'à date, historiquement, elle a toujours été balayée par des affrontements militaires qui, au moins, redonnent à l'être humain, s'il n'a plus le goût de vivre, lui redonnent au moins le goût de survivre. Alors, ce qui fait qu'on approche d'un paquet de phénomènes relativement intéressants où on devrait mathématiquement connaître une époque planétaire quelque peu mouvementée, quelque peu bouleversée. Tu disais un petit peu plus tôt que apocalypse pouvait signifier révélation. Qu'est-ce qui reste à révéler à l'être humain, puisque plus ça change, plus c'est pareil? C'est-à-dire que plus ça change, moins c'est pareil. Mais l'humain ne changeant pas, on voit toujours tout pareil. Donc, clarifions un peu les choses. Parce que c'est extrêmement changeant, les choses. Mais l'homme ne le voit pas. L'homme regarde ses mémoires, alors il peut pas voir que ça change, c'est bien évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, j'ai expliqué dans une conférence sur les mystères des secrets de Fatima que s'il y a une guerre, elle sera religieuse. Ce ne sera pas une guerre militaire, territoriale ou scientifique, ce sera une guerre religieuse. Un jihad. Il sera, disons que Michel de Notre-Dame a quelque peu touché certains points relativement intéressants dans l'alliance entre l'URSS et le contexte, iranien et d'autres contextes de cette époque, disons de cette région. Par la suite, les Américains vont se battre évidemment contre ces personnes. L'Union soviétique va s'allier vers la fin aux États-Unis d'Amérique parce que l'Union soviétique est anti-religion. Elle va, en tout cas, il y a une panoplie de petites choses relativement intéressantes et on va finir par faire des choses intéressantes. Vous savez que si on veut éviter l'apocalypse, il y a une solution, inviter les Soviétiques à venir nous envahir tout de suite. De cette façon, on évite complètement l'apocalypse et c'est la solution intelligente. L'humain étant ce qu'il est, on ne l'appliquera pas. Moi, je suis tout à fait pro-soviétique. Maintenant, il faut bien écouter pourquoi je suis pro-soviétique. Pour la simple raison que les Soviétiques sont le pouvoir le plus puissant qui peut être opposé au reste de la planète. donc, aux États-Unis. Et le Canada, ben, même si ça s'appelle Canada, disons qu'il y a une petite étoile transparente sur le drapeau américain, là. C'est le Canada. Alors, parce que le Canada est un allié, c'est un intérêt américain, évidemment, c'est pas un ami. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ou bien les Soviétiques acceptent de s'américaniser, ou bien nous acceptons de nous soviétaliser. On n'a pas le choix. Si les Soviétiques nous envahissent et envahissent la planète, ce sont combien de millions, les Soviétiques? Disons 200 millions. 200 millions qui envahissent 4 milliards 800 millions, éliminons les Soviétiques, 4 milliards 100 millions d'humains. Ça veut dire que dans 3 ans d'ici, ils vont tous être assimilés. Et le problème est réglé. Mais évidemment, l'humain ne le fera pas. Parce que la solution est trop intelligente et c'est une solution qui est comme un jeu d'échecs d'une envergure planétaire. Alors l'humain n'a pas, présentement l'homme ancien, n'a pas la conscience planétaire lui permettant de pouvoir justement comprendre cette mécanicité. Alors on va donc s'opposer à ce genre de choses et tant qu'on aura différentes planètes sur la planète Terre, il y a de fortes chances que cette guerre planétaire arrive. C'est une solution évidemment à devenir soviétique, c'est-à-dire ouvrir nos frontières. Parce qu'on parle souvent contre les ce qu'on appelle les importés dans le terme québécois. Ben oui, c'est évident que si toutes les frontières s'ouvrent à tout le monde, ça crée un pays planétaire. Alors on va dire, oui, mais eux autres, ils viennent, ils n'ont rien, ils viennent tout ramasser ce qu'on a. Oui, d'accord. Mais c'est quoi le problème des pays sous-développés? C'est que les pays riches sont là avec leurs usines et leurs industries, ils ramassent tout ce qu'ils ont. Bon, échange pour échange. C'est pas si pire. Ça demanderait 10 ans d'adaptation à la planète Terre pour au genre humain, mais ça réglerait tous les problèmes. Encore là, n'y comptons pas. La Deuxième Guerre mondiale, elle avait de l'intelligence. Elle était faite par des êtres humains qui étaient ignorants, mais ils s'étaient manipulés par des forces hautement intelligentes. Je dis souvent qu'il n'y a rien qui se passe sur la planète qui ne soit pas intelligent. L'homme ancien, l'homme transitif souvent, quand je parle de l'homme, je parle de la femme, ayant une conscience nombritique, ne voyant que son nombril, ne peut pas considérer l'intelligence d'une action massive ou planétaire. La Deuxième Guerre mondiale, elle a obligé une immensité d'humains à devoir changer de patrie, changer de terre, changer de pays, et ça l'a créé une race, en l'occurrence les États-Unis, mais évidemment ça l'a créé une race planétaire qui commence à se mélanger au niveau des sangs, qui commence à se mélanger au niveau des religions, au niveau des morales, au niveau des philosophies, au niveau des traditions, au niveau de tout cela. Et ce, disons que c'est un point extrêmement intéressant parce que premièrement, ça permet d'engendrer une race physique drôlement plus solide, ce qui permet à l'intelligence, dans l'Antiquité on appelait ça l'esprit, à l'intelligence supramentale de pouvoir être supportée par un véhicule humain plus consistant, plus neurologiquement solide, l'homme d'aujourd'hui. Ça permet en même temps d'éliminer une panoplie de traditions par fusion de ces personnes et de ces moralités, de ces éducations, de tous les schémas des différentes ethnies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain résiste toujours. Moi, si un jour je déménage en Égypte, je deviendrai égyptien. Le problème, c'est que tous ceux qui s'en vont dans d'autres pays veulent rester ce qu'ils étaient. Ils refusent d'être assimilés. Et ça, c'est le problème majeur. On peut le constater au Québec, le refus d'assimilation. J'en ai déjà parlé, on a le Chinatown, on a Saint-Léonard, on a le quartier juif, on a le quartier grec. Je n'ai rien contre les Grecs, je n'ai rien contre les Juifs, je n'ai rien contre les Chinois. Le seul problème, c'est que tant que tu es Chinois et que tu n'es pas Québécois, évidemment, il y aura un racisme. Tant que tu es Haïtien et non pas Québécois, il y aura un problème. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, c'est là-dedans. Alors moi, j'ai fait une panoplie de voyages à travers la planète et j'ai toujours été accepté, mais accepté d'une façon absolument impeccable. Pour la simple raison que, vibratoirement, j'étais l'un des leurs. Mais c'est normal, et j'aimais le pays. J'avais pas la nostalgie de mon pays, parce que j'étais là. Si j'étais au Pérou, si j'étais à telle place ou à telle place, j'étais là. Alors, si on aurait des hommes et des femmes qui seraient capables, justement, de changer de place et de s'assimiler, refuser, donc abandonner leur mémoire du passé, ça ne sert plus à rien. Ça ne t'empêche pas d'envoyer de l'argent à tes parents, ou etc., mais je parle d'attitude psychologique de vie. On n'en a pas. Alors, automatiquement, il faudra faire en sorte pour que cette humanité nouvelle apparaisse, regardons simplement. Si on pose la question, y aura-t-il une apocalypse? Oui. Y aura-t-il une apocalypse aussi meurtrière que tout ce qui est prédit? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Maintenant, on va dire, ouais, mais c'est plate, c'est une maudite conférence, tu vas là, puis tu parles d'apocalypse. Bon, ça me ferait penser, moi, quand je tirais les cartes d'un marché aux puces à un moment donné, parce que je vendais pas mes vidanges, je vendais plus. Alors, je sors un jeu de tarot pour le fun, j'ai pas besoin de ça, mais ça devient intéressant, ça attire les gens. Et puis les gens venaient me voir, puis ils me disaient, OK, j'accepte ma condition que vous me disiez rien de mauvais. Aucun problème, on va vous dire, rien que des belles choses, trouvez-vous. Mais c'est la même chose. Le refus de la réalité. Comptabilisons. Qu'est-ce que c'est que l'ère nouvelle? Un ère de paix. Avec des humains qui ne vivent même pas en paix dans leur cœur et même pas en paix dans leurs conditions de travail et même pas en paix dans leurs conditions familiales. Il faudrait exclure l'humain si on veut l'ère de paix. Un ère de création. Alors que l'humain est un plagieur continuel, alors que l'humain se lève contre son voisin qui un jour invente ou crée quelque chose, alors que l'humain se dresse contre celui qui, à un moment donné, réussit en affaire parce qu'il crée comme ça, alors que l'humain se dresse contre celui qui s'habille différemment parce que c'est sa créativité, il y aura un problème. On va dire un air d'amour. Alors que l'humain aujourd'hui souffre encore d'aimer, alors que plusieurs humains ont peur de tomber en amour pour ne pas souffrir, alors que les humains ont continuellement des guerres d'amour, des crimes passionnels, des chicanes au niveau de l'amour, alors que l'humain se sert de l'amour pour manipuler les familles, les enfants, les adultes et les autres. Si tu m'aimes, tu feras pas ça. Bon, pas quelqu'un qui est comme ça. Et on parle d'un air nouvel où il y aura de l'amour. Ben, faudra éliminer l'humain encore une fois. Où faudra initier l'humain. On parle d'un ère d'intelligence, de conséquentialité, où l'être humain va être individuellement conscient qu'il ne doit plus polluer, qu'il doit s'alimenter convenablement, qu'il ne doit pas vendre outre mesure ce qui entretient la vie. Ben, on va ramasser ça où? On parle d'irradier les aliments, et en même temps, on parle de mettre dans les supermarchés des aliments biologiques. Ça veut dire que les aliments irradiés, il n'y a personne qui va en prendre. Ça veut dire qu'on va simplement les exporter. Tant qu'on a une humanité qui est nationalisme, donc qui se dit « je suis moi » par rapport au reste, bien évidemment, on a un maudit problème pour la nouvelle. Alors, de quelle façon faire en sorte que l'humain se dise « je ne suis pas, je suis planétaire » et tout à fait ouvert ou en quoi qu'il y aurait d'autres choses. Bon, mais je suis au moins un humain planétaire, citoyen de la Terre, de la boule. Ben pour que l'humain en arrive à pouvoir dire ça, vous savez, quand vous rentrez sur un terrain privé, dans la forêt, vous marchez, vous ramassez des bleuets, des petites framboises, des mûres, puis vous rentrez, mais vous ne voyez pas les pancartes, il n'y en a pas un sur le bord du chemin, vous êtes à l'intérieur du champ ou de la forêt. Ben le propriétaire vous saute dessus, puis là, c'est ceci, c'est cela, puis sous peine d'on peut vous poursuivre. Mais quand l'écureuil traverse sa maudite clôture et qu'il rentre chez lui, il ne poursuit pas. Quand le chevreuil traverse, il est bien content. Mais un être écologique humain fait bien moins de dommages qu'un écureuil ou un chevreuil. Mais on va poursuivre l'humain. On va gueuler contre l'humain. Alors, on a des frontières de pays parce qu'on veut que le problème reste chez eux, puis les autres, ils veulent que nos problèmes restent chez nous. Mais les problèmes sont souvent, justement, induits, constitués par ces choses-là. Si on peut éliminer la drogue dans un pays, bien, si le pays est planétaire, on peut l'éliminer aussi. On n'a pas besoin de mettre de frontières. La frontière matérielle devient une frontière humaine, devient donc une frontière sociale, donc une frontière psychologique, donc une frontière nationale, souvent une frontière théologique ou religieuse. Alors, on parle d'ère nouvelle. Vous savez, si on fait une ère nouvelle au Québec, les autres ne sont pas contents. S'ils font une ère nouvelle en Écosse, on ne sera pas contents. Premièrement, et c'est évident qu'il y aura 95% de nos spiritualistes qui vont prendre l'avion, le bateau, puis qui vont prendre le radeau, les chaloupes pneumatiques, qui vont ramer jusqu'en Écosse parce que c'est la nouvelle là, ils vont vouloir y aller. Rendu là-bas, ben, tu sais, l'Écosse, c'est gros de même, va avoir 1 million d'humains qui vont vouloir rentrer là, puis la nouvelle, oublie-la. Bon. Alors, il y a donc une problématique évidente. Faut détruire les frontières, faut détruire le racisme, faut que l'humain devienne, sache ce que c'est que l'amour intelligent et non plus l'amour sélectif psychologique. Faut que l'humain soit capable d'être sécurisé de par lui-même, de par sa condition d'humain, et non plus par les conditions extérieures qui l'amènent à toujours vouloir ramasser. Alors, au moment donné, ben, tu ramasses, les autres ont moins. Faudra donc que l'humain soit tout à fait muté. Faudra que l'humanité vive une mutation totale. Est-ce que d'ailleurs, c'est ce qui est commencé quand on parle de l'homme ancien, de la personne transitive, de l'homme nouveau. C'est une mutation qui est physique, qui est neuronique, qui est donc psychologique, et qui lentement s'éteint. Elle commence au Québec. Bon, c'est plate, mais c'est comme ça. C'est au Québec que cette mutation de l'humanité commence. Historiquement parlant, le contexte indo-européen a vu apparaître le premier phénomène de race neurologique blanche avec une peau plus ou moins pâle. Cette race s'est étendue sur différents territoires. Ça l'a induit l'Égypte, ça l'a induit la Grèce, ça l'a induit une panoplie de peuplades, dont les Nordiques, une grosse partie de l'Europe. Lentement, ces Nordiques, ces Vikings ont migré vers ici. Il y a eu une migration à l'inverse de l'autre côté par l'une des races, dont disons des sous-races de cette race indo-européenne. Et les conditions d'évolution d'une humanité sont toujours régies par la mémoire historique contenue par un continent. Cela veut dire que plus le pays a de la mémoire historique, plus les individus seront patriotiques, nationalistes, bouchés, fermés. Plus une terre est neuve, donc n'a pas connu massivement d'histoire humaine, plus les humains qui seront dessus seront ouverts, seront libérés d'un phénomène de conscience collective et auront l'impression de cette terre promise, cette terre nouvelle. L'Amérique ayant été le dernier contingent de surface planétaire, disons, habité par l'humain d'une façon massive, ben, il va de soi que l'Amérique devenait mécaniquement une terre de liberté. Et alors, la statue en fait office. Oui, d'accord, elle tourne le dos aux États-Unis maintenant, mais enfin, la statue est quand même là pour parler de liberté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, le Canada, le Québec se trouve, comme la majorité du Canada, sur la première terre de surface planétaire, sur le bouclier canadien qui de notre planète. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, égrégorement parlant, historico-mémoriellement parlant, il n'y a rien eu sur notre continent. Alors, on va dire, oui, mais il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis. Parfait. Mais dans le contexte du Québec, il n'y a jamais eu de guerre. Il y a eu des altercations entre les Hurons et les Iroquois, entre les Français et les Anglais, et entre quelques Portugais, puis quelques coureurs des bois, puis quelques coureurs de jupons. Bon, il y a eu quelques altercations. D'accord. Mais ce n'était pas, vous savez, à l'époque, les petites flèches ne tenaient pas le même résultat que ce qu'on avait au niveau de la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'était pas compliqué. On n'avait pas de mitraillettes. Enfin, on avait quelques-unes. On n'a pas de grenades. Mais on tirait des balles grosses de même. Quand ça blessait un bras, ça arrachait le bras. Alors, on avait autant de mutilés que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors donc, le Québec, pardon, est une terre privilégiée, premièrement, parce que historiquement parlant, ça n'a jamais rien passé dessus. Il serait temps qu'on commence pas de quoi. Mais ça, on a commencé de toute façon. Puis ça, ce n'est même pas conscient chez l'humain, chez le Québécois. Ce n'est pas tant intentionnel chez lui. Alors, si on veut le brièvement résumer, bien évidemment, du Québec va partir tout ce qui va servir de palliatif, de restructuration d'un monde ou de bombe à l'apocalypse. Je te comprends bien. Le Québec est privilégié, mais il y a des nations sur la Terre qui sont moins privilégiées que le Québec. Ça veut dire qu'il y en a qui vont disparaître complètement? T'es sur les questions, au pire. Bon, ben, si tu poses des questions précises et claires, on va répondre précises et claires. C'est évident qu'il y a des continents qui vont subir des torts relativement irréparables. C'est évident qu'il y a des nations complètes qui vont être pulvérisées. C'est évident aussi que le Québec, lorsqu'on dit qu'il est privilégié, après l'apocalypse. Parce que le Québec, il va souffrir en maudit. Mais il est privilégié après l'apocalypse pour la simple raison que ceux qui vont être capables de reconstruire, ce sera des gens qui proviendront du Québec. Et encore une fois, on fait référence au Québec ésotérique, donc à, disons, à la moitié du Canada ou aux trois quarts du Canada, c'est-à-dire à tout ce qui est, disons, sur le bouclier canadien. La problématique du Québec, c'est que le bouclier canadien s'arrête un petit peu au nord des plaines du Saint-Laurent. Cela voudrait dire qu'on exclut tous les cantons de l'Est et tout ce qui descend vers le sud. Et on peut se demander, bon, pourquoi y a-t-il tant de spiritualité alors dans les cantons de l'Est? Pourquoi à un moment donné, il y a eu une recrudescence? Enfin, tous les endroits, les camps, les centres, enfin, une panoplie de choses, c'était dans les cantons de l'Est et il y en a encore plusieurs. Alors, pourquoi dirions-nous que ça va être éliminé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, pendant énormément de temps, depuis que l'humain a une conscience individuelle qui lui permet d'avoir peur de la mort, depuis que l'humain a donc cette conscience d'évolution, l'humain a toujours fonctionné d'une façon illusoire, c'est-à-dire qu'il imaginait ce qu'il ne pouvait comprendre, il imaginait ce qu'il ne pouvait voir ou percevoir, et à partir de ce qu'il avait imaginé, il le communiquait à d'autres. Comme les autres énergisaient son imagination, on finissait par accréditer l'imagination comme étant une réalité, créant des concepts, des spéculations, des théories et créant tout un monde d'illusions qui sert de référence à l'homme aujourd'hui pour poursuivre son évolution. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité peut être définie de deux façons. Spirit, esprit. Moi, j'appelle ça de l'espiritualité pour faire une nuance entre la spiritualité de l'homme ancien, une spiritualité conventionnelle, une spiritualité qui, en fin de compte, n'a plus rien à voir avec l'esprit, mais n'est reliée qu'au plan de l'âme, donc au plan de la mémoire. Une spiritualité, par exemple, qui va faire en sorte qu'un être humain va adorer ou va prier une croix de bois, une icône, une statue de terre glaise, où l'humain, en fin de compte, ne veut plus communiquer avec ce qui, à l'origine, devait être recherché l'esprit, mais où l'humain se contente simplement d'avoir son idone, son truc sur lui, et se sentir en sécurité. C'est de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est une farce. La spiritualité, lorsque l'être humain ne tente que d'expliquer le présent à partir des livres traditionnels venant du passé, ça aussi c'est une illusion. Ces livres ont été écrits et ont relativement toujours été chambardés par des hommes nouveaux qui arrivaient à un moment donné et qui instruisaient de nouvelles choses. On les plaçait dans les livres. Étant donné que l'humain a plusieurs milliers d'années de mémoire au niveau génétique et au niveau social ou sociolo-planétaire, aujourd'hui, on refuse obstinément de rajouter quoi que ce soit aux livres de l'Antiquité, alors que dans l'Antiquité, on en rajoutait plus ou moins régulièrement. Jusqu'au jour où, à un moment donné, on a commencé à plus vouloir. Exactement comme si on pourrait dire, les humains du passé avaient le contact avec les forces de Dieu et les humains d'aujourd'hui ne l'ont pas ou n'ont pas le droit de l'avoir. Toutes les théologies qui existent présentement sur la planète, c'est sûr qu'un individu ou deux peut la vivre différemment. Mais on parle de spiritualité, c'est-à-dire exactement comme l'idée, bon, mais moi, je vais à messe tout dimanche, donc je suis correct. C'est de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est de l'illusion. Bon, moi, j'ai été me confesser, donc je suis blanc. C'est de la spiritualité aussi, c'est de l'illusion. Bon, moi, j'ai un hôtel chez moi, donc en partant, je suis sans doute mieux vu aux yeux de Dieu qu'un autre. C'est de l'illusion. Moi, je fais ceci, je fais cela, je fais etc., c'est de la spiritualité. Parce que la majorité des humains le font pour recevoir un beigne, un cadeau, un gâteau, un paradis, un nirvana, quelque chose, des mains de Dieu. Autrement dit, elles têtent régulièrement et elles veulent acheter leur Dieu. L'humain qui vit sa vie comme il doit la vivre et qui se fait fi des traditions pour lui, pour les autres. Pour les autres, ça peut être soutenant, utile, mais ça reste que c'est de la spiritualité, c'est-à-dire que toute forme de théologie qui va être vécu d'une façon spirituelle dans ce genre, est une théologie qui ne permet pas à l'humain de se libérer de la théologie. Donc, l'humain reste l'esclave de la technique. Religion reliée, religaresse, se relier à Dieu. C'est donc une technique. Mais lorsque l'humain est l'esclave de la technique, il ne peut pas. Si l'humain, un jour, décide d'abandonner la technique lui dit, Dieu t'abandonne aussi. De prier pendant 95 ans. À 96 ans, tu te dis, je prends un break, je ne prie plus pendant un an. Dieu t'abandonne. Tu n'as pas prié pendant 95 ans. À 96 ans, tu pries un an de temps, puis tu es sauvé. Il y a un problème magistral, et c'est ce que j'appelle, moi, la spiritualité. Donc, c'est un des grands plans de l'illusion. Lorsque l'homme, d'ailleurs l'homme, les clés de presque toutes les théologies ont été bien cachées, ils ont été oubliées, l'homme ne sait même plus ce que c'est, enfin la majorité ne savent plus non plus, et on fonctionne par de l'espoir. On parle de 144 800 quelques élus, disons, prenons les termes de la Bible, 144 000 élus. Et on dit aussi qu'à la fin des temps, les morts revivront une résurrection. Mais s'il y a 144 000 qui restent, et qu'ils proviennent tous des vivants, les morts vont renaître dans quel corps? C'est un gros problème. Parce qu'à travers les survivants de la planète, apparemment, les forces divines vont placer d'un seau dans le front, ils vont étamper, 144 000 personnes. Puis la résurrection des morts, puis ils vont prendre corps où? J'ai déjà expliqué cette mécanicité qui faisait, mais ça, on ne parle pas de cette ère nouvelle. L'ère nouvelle, il y aura beaucoup plus que 144 000 personnes. vers l'an 2013, l'an 2020, il y aura plus que 144 000 personnes vivant sur la planète. Sauf que lorsque l'on parle de la fin du millénium, parce que là, si on se réfère un peu à Jean de Patmos, son apocalypse dure près de 13 800 ans. Alors, on a le temps. Mais elle commence, disons qu'elle est commencée un peu. Ce qu'il faut comprendre, j'ai déjà expliqué un petit peu, on va juste résumer et clarifier encore des choses, même pour ceux qui avaient entendu l'explication, c'est que on parle souvent de Dieu et on va dire que l'être humain est un esprit frère et sœur, c'est-à-dire qu'on provient de la même chose. Bon, toutes les théologies sont d'une certaine envergure, sont d'accord sur ce point. Si on provient de la même chose, comment se fait-il qu'on soit un paquet sur la planète à provenir de la même chose? Y a-t-il une raison intelligente pour qu'on ait été, à un moment donné, divisé en plusieurs dizaines de milliards d'humains? Parce que si on est 4 milliards 800 millions, donc on approche de 900 millions présentement, si on est 4 milliards 900 millions sur la planète présentement qui vivent, il faut calculer les milliards et les milliards d'individus qui ne vivent plus et qui ont vécu. Ceux-là aussi ont porté de l'esprit à un moment donné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet esprit arrivant dans un contexte, disons, universel, ne peut pas être supporté par l'atomicité, par la matière de cet univers. Il se voit, doit être divisé. Lorsque ces faisceaux pénètrent dans notre galaxie, elles ne peuvent pas être soutenues, elles sont divisées en 12 faisceaux. Lorsque ces faisceaux rentrent dans le contexte de notre système solaire, elles sont redivisées. Lorsque ces faisceaux pénètrent à l'échelle de la planète Terre n'étant pas de la matière suffisamment résistante, pour supporter ces faisceaux, on les redivise et on a les milliards de milliards d'humains. Il y a 12 faisceaux majeurs au niveau d'un contexte supramental, c'est-à-dire que si l'on veut faire référence à l'Esprit Saint, donc au contexte supramental, on doit faire référence à 12 Esprits Saints, c'est-à-dire à 12 faisceaux primordiaux de cette intelligence supramentale dans notre galaxie, qui est un petit élément évolutif de notre univers, qui est un petit élément évolutif de notre super-univers, qui est un tout petit élément de cette création qui contient plusieurs super-univers et toute une panoplie de choses, jusqu'à l'atome et jusqu'à plus petit que l'atome. La planète Terre fait partie de quelque chose qui est redivisible jusqu'à l'atome, et l'humain est le phénomène évolutif matériel qui aura un jour la possibilité de supporter de l'intelligence sans que l'intelligence n'ait besoin de devenir matière. Et c'est le rôle de l'homme, d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ces 12 faisceaux pourront être supportés par les humains, il y aura donc une fusion réincarnative de tous ceux qui sont ou qui ont vécu reliés à ce même esprit ou à ce même faisceau. Et lorsque les humains vont, on parle de résurrection des morts, moi je parle de réincarnation fusionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'à un moment donné on aura 1 milliard d'humains sur la planète, tous ceux qui seront morts et qui devront se réincarner ou ressusciter, le feront pas dans leur corps physique, mais le feront simplement par affinité vibratoire ou du point de vue de l'esprit. Cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez bien, vous autres ici, parce que c'est commencé déjà chez l'humain du Québec, et évidemment à quelques places sur la planète, un jour où on va bien, tout marche, tout marche, tout marche, tout d'un coup, pouf! Tout s'écrase, plus d'énergie, angoisse, on ne sait plus ce qui se passe, on devient irritable, on vient simplement d'absorber des entités qui sont nos propres frères et sœurs en esprit, donc des entités expérientielles comme nous, qui maintenant viennent de se réincarner dans un corps physique qui est le nôtre, ce qui fait qu'on doit donc supporter leur poids et misère. Le Nazaréen ayant supporté le 13e faisceau d'énergie, il a donc supporté le poids de son humanité à lui, le poids évidemment et les péchés du monde, de son monde à lui, mais plus cela va aller, plus les humains devront faire cela. À un moment donné, on va reparler de cette mécanicité dans une conférence qui va porter le titre « Ce que le Nazaréen n'a pas dit ». Conférence du mois de mars, je crois. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que pourquoi penses-tu que le Nazaréen, qui est d'ailleurs le seul, disons, qui a eu une fusion totale avec son esprit à l'échelle de la planète, avait 12 apôtres principales, 63 secondaires, évidemment, une panoplie de fans? Chacun des apôtres avait été pris premièrement comme ça, disons, au hasard, c'est-à-dire qu'il a pris un tel, pour le désassujettir totalement de sa mémoire. C'est-à-dire de la mémoire, tout à l'heure, je parlais de la mémoire planétaire. Alors, il ramassait un mec, puis il disait, « Toi, je te nomme Simon. Baptise-le. Tu changes de nom. » Parce que le nom, c'est la forme. La semaine prochaine, pourquoi avoir un nom? On va s'amuser en maudit. Parce que c'est une manipulation relativement intéressante, le nom, et c'est un assujettissement à des mémoires qui ne vous appartiennent plus, ou qui ne vous appartiennent pas, pantoute. Non. Le Nazaréen arrivait, disait, toi, Simon, Simon-Pierre, toi, ta-ta-ta-ta, Judas, toi, ta-ta-ta-ta, Marc, il les baptisait. Il éliminait ses mémoires familiales et génétiques de ces gens-là. Pourquoi 12 apôtres? Pourquoi pas 13 ou 14 ou etc.? Lui, il était ce 13e faisceau. Il supportait le poids de son esprit et le poids de son humanité. Chacun de ces apôtres était un être qui vivait. Et ce n'étaient pas des frères et des sœurs en esprit, eux autres. Non. Ben, dans un autre plan, oui. C'est-à-dire au niveau du contexte super-universel, oui. Mais pas au niveau du contexte de l'Esprit Saint, contexte supramental ou contexte de l'intelligence galactique. 12 apôtres, 12, transporteurs de ce faisceau. Tiens, je fouille un peu. Dans la Bible, on parle aussi 144 000 élus. Pourquoi ce mot du chiffre? Parce qu'il y aura 12 tribus de 12 000. Ah oui, 12 tribus. C'est les 12 faisceaux. On n'a pas le choix. 12 000. Le chiffre est pas, on arrondit. C'est 144 800, puis j'ai déjà dit 53. Mais on arrondit. Bon, c'est intéressant. Alors donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre humanité s'en va vers, on parle de ces 144 000 élus, ça veut dire que toute l'humanité antérieure et présente sera inclue dans ces 144 000 personnes, mais c'est d'ici quelques milliers d'années. Donc, ce n'est pas intéressant qu'on en parle tout de suite. Cette initiation dans l'ère du Verseau, elle est importante. Pourquoi? Parce que, ou bien l'humain s'auto-initie immédiatement, donc l'humain découvre des choses qui l'assujettissent, découvre des choses qui le manipulent, découvre premièrement la manipulation. Il faut que l'humain découvre consciemment qu'il n'a pas de libre-arbitre dans le sens où son ego veut qu'il en ait un. Il faut que l'humain découvre que l'amour qu'il exprime est souvent un amour manipulé. J'aime ça, j'aime pas ça. Un amour sélectif qui n'a foutrement rien à voir avec l'amour comme tel. Il faut que l'humain découvre ces petites choses. Il faut que l'humain finisse par ne plus s'assujettir aux phénomènes stressants du passé. Vous savez, quand à un moment donné, vous voulez dormir, puis ça pense. T'sais, on pense dans votre tête. Vous n'êtes pas capable d'arrêter. Ça, être manipulé. Bon. À un moment donné, l'individu dit des choses. C'est pas ça qu'il voulait dire. Ça, on parle à sa place. L'humain ne le sait pas. L'humain ne veut pas le savoir. L'humain est trop orgueilleux. On a un libre-arbitre. Il faudrait que l'humain un jour le conscientise qu'il n'en a pas de libre-arbitre, que c'est une illusion. C'est l'un des plus grands pièges de ce que je peux appeler pour l'instant les forces d'évolution à l'échelle de notre planète, le libre-arbitre. Vous avez un libre-arbitre, automatiquement, on peut vous inculquer la culpabilité. Puis là, on vous ramasse. C'est fait. En fait, l'humain, il est, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et si tu poses la question en tremblant, c'est que tu ne l'as pas fait. Parce que si tu envoies le « pourquoi j'ai fait ça? » Tu ne l'as pas fait. Il y a quelque chose chez toi qui l'a fait. Puis toi, tu penses que c'est toi, donc tu te culpabilises. Parce que tu es convaincu du libre-arbitre. L'humain n'a pas de libre-arbitre, pas qu'on me le conçoit. Mais ça, on pourrait revenir. Deuxième partie, vous avez des questions, on pourra aussi élaborer, mais on va revenir là-dessus. L'humain doit donc conscientiser ces différentes choses. Et s'il y a des humains, d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui le font, lorsque l'humain individuellement, et je répète que l'évolution, c'est un phénomène qui doit être fait individuellement. On n'a pas besoin de maître pour évoluer. On n'a pas besoin de gourou. On n'a pas besoin de ces choses-là. On a besoin peut-être d'un livre de temps en temps. Bon, écouter une conférence, ça peut aider, ça peut nuire, ça dépend des individus. On a juste besoin de comprendre l'intelligence d'être son seul maître. Si on est son seul maître, cela voudra dire que l'apocalypse des autres ne sera pas la tienne. Personne ne va dire, oui, mais tu sais, si une bombe tombe à Montréal, apocalypse des autres ou non, t'sais, même si c'est le bombe, t'es dans le ville. Hé, c'est ça le problème. Mais il y a une chose intéressante, c'est que dans l'Antiquité, ce phénomène extrêmement brut s'appelait l'instinct. Lorsque l'humanité s'est raffinée encore et en neurologie, on pourrait dire en esprit, mais en neurologie, cet instinct a apporté le nom d'intuition. Évoluant encore, cette intuition porte le nom de contact supramental, d'intelligence. Lorsque l'humain est centré chez lui, lorsque l'humain, donc, ne fait pas référence aux autres, il annonce un tremblement de terre, pourtant personne n'a l'air paniqué. Oui. C'est ça. Tu vois des choses par passer dans le ciel, ben, moi, personne n'a l'air. On va attendre. Mais à un moment donné, il y a un humain qui va sentir. Il n'aura pas peur. Mais il va comme sentir qu'il y a le goût des bleuets au lac Saint-Jean. Mais il va se dire, je m'en vais cueillir des bleuets au lac Saint-Jean. On va le traiter de fou, mais il sait c'est pas les maudits bleuets. C'est évident. Mais vous êtes de rouge, mais en tout cas, je parle si la bombe saute, tu sais. Du rouge, je parle pas politiquement, là. Alors, notre bonhomme, notre bonne femme va voir cette chose. Quand on dit souvent l'être qui évolue spirituellement, cette spiritualité illusoire, pas toute la spiritualité, mais celle-là, où c'est que sont les territoires sécures au Québec? Puis moi, ben moi, je suis fendant. Quand ce sera le temps que tu y ailles, tu sauras. Si je dis c'est là, ben, 6 millions d'humains, là, ils ne seront pas là. C'est évident. C'est réglé. Si tout le monde s'en va dans le nord, reste à Montréal. Tu sais, les bombes, ils vont être tirés dans le nord. Tu sais, c'est militaire, c'est stratégique, leur affaire. Tu sais, bon. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que ce qui va faire que, ben, à un moment donné, il y a des humains qui vont commencer des migrations. On en a toujours eu dans l'Antiquité des migrations inexpliquées. Les Gitanes, les Tixanes, les Romanichels étaient des gens, justement, qui migraient. Et lorsqu'à un moment donné, ils sentaient comme... on s'en allait. Un mois après, la tuberculose frappait toutes les vaches, il se passait une épidémie. Les gens qui comprenaient rien, ils disaient quoi? C'est ces maudits-là qui nous ont jeté un sort. Non, ils partaient avant que ça arrive, ils le sentaient. Mais évidemment, on disait, ils partaient puis ils nous ont jeté un sort. Non, ils restaient là un an, deux ans, trois ans, sacré le camp, la peste bubonique arrivait. C'était les Romanichels qui avaient jeté un sort. Non, les Romanichels s'en allaient. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Romanichels ont commencé à lâcher le roulotte. Ils sont installés partout dans des lieux fixes. Il n'y a plus de place sur la planète où ils peuvent s'en aller pour éviter ce qui s'en vient. Bon. Mais il y en a des places, mais pas collectivement. Leur phénomène s'éteint. Bon, je ne dis pas ça pour épeurer. Des humains, je n'ai pas besoin de ça. Je vous l'ai vu, puis ils peuvent se faire peur en masse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces prophètes-là, et tous ceux qui y ont passé dans l'Antiquité parlent tous d'un apothéose après l'Apocalypse. Alors, lorsque l'humain se prépare à survivre à l'Apocalypse, c'est qu'il se prépare à mourir dans l'Apocalypse. Bon, il peut rester vivant après, mais ce n'est pas lui qui va reconstruire les choses. L'être humain doit se préparer à cette apothéose, à cette ère nouvelle. L'initiation de l'humanité, c'est une initiation qui sera collective, orchestrée par la collectivité, donc par le système planétaire inconscient de l'homme. Mais lorsqu'un humain devient son seul maître dans sa conscience, lorsque l'humain veut se prendre en main, ben, ça change des choses. Vous allez dire, oui, mais si à un moment donné, je me fais arracher un bras, tu sais, ça va changer quoi, mon... Tu souffriras pas de ton bras arraché. Ça change tout. Tu n'auras jamais eu deux bras. Tu auras toujours eu un bras. Parce que l'humain d'aujourd'hui a deux bras, puis il se dit pas « sac, manque un bras ». Mais non, il n'y a pas dans sa mémoire qu'il y a eu trois bras. Il n'y en a pas eu non plus. Tu as une queue, mais pas du tout. Ben, enfin, il en a encore une. Mais... Donc, il y en a une qui en a eu deux, puis il y en a qui en avait une. Bon. Une queue par en arrière. Tout le monde en avait une. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain qui se dit ben, « il manque un bras », ben non, vous n'en souffrez pas de ne pas avoir ce bras-là. De ne pas avoir six doigts. On souffre même de n'avoir six. Parce que tout le monde en a cinq. C'est le collectivisme. Alors, à un moment donné, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cet enfant nouveau vont être capables de vivre de l'instantanéité. Cela veut dire que toute trace d'événement négatif ne pourra pas être faite chez eux. Un événement va passer, ça ne laissera pas de trace chez eux. Ils vont se coucher le soir et ils vont dormir. Les autres ne dormiront pas. Les autres vont avoir de maudits problèmes à vivre. Pourquoi? Parce que les autres ne vivront pas avec le temps qui passe. Ils vont accumuler cet apocalypse chez eux. Et c'est eux, c'est là qu'on va vivre l'apocalypse. Il y a déjà des humains qui la vivent, l'apocalypse, dans le taille. Hein? Ceux qui ont des abris nucléaires chez eux. C'est beau, t'es un abri nucléaire, tu rentres là-dedans, tu fermes tout. Qui c'est qui va venir te chercher pour sortir? Tu vas sortir voir. Bon, mais si c'était pas le temps, il ne faut pas attendre de rentrer. T'sais, l'humain vit dans un 5,5, deux toilettes, ça chicane. Mais dans un récipient gros comme la toilette, pas de toilette, ça va être comment? Ben, ils ont des petits sacs, des petits cossins, je comprends. Bon, ça va être comment? Tu prends des humains, tu les mets sur un petit bateau, un petit voilier de 65 pieds de long, puis tu les laisses un mois de temps sur la mer, puis il y a des chicanes, c'est dangereux. Parce que marcher un mille pour rendre service, ça se fait. Sur un bateau, aller à l'autre bout du pont du bateau, ça va être aussi loin qu'un mille après un mois de mer. Mais dans son récipient. L'humain pense à survivre de son corps physique. C'est ridicule parce que l'humain qui va sortir des abris nucléaires va être des humains qui n'auront pas été initiés. Ils vont recommencer à se battre, ils vont recommencer à piller, ils vont recommencer à s'initier. Faudra que l'humain change. C'est sûr que si l'humain change aujourd'hui, ça ne changera pas le problème planétaire. L'humain, sa planète, ne changera pas. On m'a déjà posé la question au niveau, dans une conférence spéciale, pourquoi il y avait tant de misère dans d'autres pays? Pourquoi il y avait des guerres continuelles dans des pays sous-développés? Ben, il y a des explications qui sont tout à fait intelligentes. Il n'y a rien sur la planète qui ne marche pas par intelligence. Si on fait juste parler de l'idée que lorsque les humains vont dans le monde de la mort, j'aborde un gros phénomène, mais ça peut peut-être expliquer un peu de cette phénoménologie de l'initiation. Si les humains du Québec changent des choses, pour eux, ça va changer. Il y a des humains dans d'autres pays qui vont changer aussi, mais la majorité vont se retrouver au Québec. D'ailleurs, il y a des personnes qui viennent de d'autres pays, qui migrent vers le Québec. Ce ne sont pas des immigrants, ce sont des Québécois qui sont venus au monde ailleurs. Ça vient ici parce que eux font partie de cette race nouvelle et qu'ils soient bruns, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient n'importe quoi, eux migrent vers leur terre, tellurique. Ils sont nés dans un autre pays parce qu'il y avait des conditions à naître dans un autre pays, il y avait des choses qu'eux devaient finaliser dans ces pays-là au niveau énergétique. Ils s'en viennent ici, renforcer la race du Québec, et ils s'en viennent ici parce que c'est leur terre. Alors donc, ce sont des Québécois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si chacun des individus d'ici commence à vérifier cette initiation, c'est-à-dire à conscientiser l'intelligence de l'évolution individuelle, on ne devient pas individualiste, on travaille en groupe, c'est plus facile, plus brillant, mais on pense individuellement. Ce qui arrive, c'est que ces humains vont être des humains qui vont évidemment transcender cet apocalypse, mais de quelle façon, à un moment donné, y a-t-il les pauvres, par exemple, les pauvres types ou les pauvres femmes qui se battent ou qui meurent de faim ou de guerre dans des pays qu'on les appelle sous-développés. Enfin, on ne les a pas encore, on ne leur a pas développé le portrait complet. Ce qu'on veut dire par sous-développé, ça va de soi. Bon. Ces pays, de quelle façon vont-ils revenir sur le contexte planétaire? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir la moitié des, je ne sais pas moi, de tels pays qui vont te renaître dans ta vie? Ben non. Il y a une explication qui doit être comprise à un moment donné, et c'est l'intelligence même de ces contextes, disons, qui nous paraissent abominables au niveau du tiers-monde, par exemple, parce que le tiers-monde, il y a une raison intelligente du tiers-monde sur la planète Terre, une raison mauditement intelligente. C'est beau que l'humain veuille encore les aider, mais vous savez, ça ne sert à rien l'aide qu'on leur apporte, pour la simple raison qu'il y a une raison intelligente, et parce que l'humain qui veut aider ne comprend pas cette raison, bien, les forces d'intelligence manipulent les gouvernements de ces pays de façon à ce que tout ce qu'on leur envoie sert à d'autres choses. L'intelligence, c'est quoi? C'est que ces humains se doivent, lorsqu'ils vont être dans le monde de la mort, d'avoir vécu suffisamment d'expériences similaires ensemble. Vous savez qu'on a appris, enfin, vous avez sans doute appris ça, vous autres, lorsque, dans le catéchisme ou je ne sais plus quoi, lorsque l'on va au ciel, on retrouve ceux qu'on a aimés et on les retrouve à jamais, pour l'éternité. C'est ce qui arrive. On se fusionne à eux et on devient un avec eux. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque ces personnes du tiers-monde, par exemple, ou de ces pays, meurent, étant donné que dans leur mémoire, il n'y a que la même chose, dans le monde de la mort, ils sont fusionnés. Ce qui fait que, un million de Chinois, à un moment donné, on aura 100 000 Chinois, à un moment donné, on aura 10 000 Chinois, et là, on aura donc une race beaucoup plus forte qui sera la supportrice de toute la nation complète. Alors, c'est donc tout à fait intelligent et normal que des pays qui ont une surpopulation vivent des événements similaires de façon, justement, à régler ces choses-là. Dernièrement, on me demandait mais tu sais, si le Québec, c'est la Terre nouvelle, est-ce qu'il y aura les hommes nouveaux, est-ce qu'il y aura... On n'a pas beaucoup d'enfants, on va faire comment? Deux raisons majeures à cette dénatalité. Raison intelligente. Premièrement, il y a de l'évolution qui se passe dans le corps et dans la tête des Québécois et des Québécoises. Cela veut dire que génétiquement, ces personnes cellularisent leur évolution. Donc, leur évolution sera transmissible par les génétiques d'ici 10 ans. Pas le temps d'avoir des enfants, ils n'auront pas des corps suffisamment pour supporter l'évolution de nos parents. Il y a quelques enfants qui naissent qui sont des enfants nouveaux. Depuis 75, entre autres, on en a un bon paquet. Mais c'est normal qu'il y ait une dénatalité. Et autre chose, comment voulez-vous forcer l'homme ancien à accepter la migration des Québécois d'autres origines, d'autres couleurs cutanées, si on a plein d'enfants? Mais si on n'a plus d'enfants, on va se dire, crime, faut faire qu'on fasse venir des immigrants. Il y a des immigrants qui viennent, qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire ici. Ils ne restent pas longtemps. L'école pour l'Ontario. L'Ontario ne fait pas toute partie du bouclier canadien. L'école pour les Amériques, les États-Unis d'Amérique, etc. Alors donc, deux raisons massivement intelligentes. La première, permettre aux Québécois immigrants de revenir sur leur terre tellurique. Et deuxièmement, retarder la procréation parce que lorsque vous aurez suffisamment cellularisé les choses, lorsque vous allez génétiquement créer un enfant, il aura un corps physique capable de supporter ce qui s'en vient au niveau du contact avec l'intelligence. Certains vont dire, oui, mais moi, à l'âge que j'ai, je ne procréerai pas. C'est évident. Pas vous autres que je parle non plus. Bon, vous autres, vous allez peut-être être capable de muter votre corps physique, donc de devenir de cet homme nouveau, parce que ça ne regarde pas l'âge. Mais c'est évident que vous ne procréerez peut-être pas. Mais on parle de la dénatalité, ça s'adresse évidemment à tous les jeunes qui ne veulent, ou à tous ceux qui peuvent avoir des enfants et qui, en fin de compte, n'en ont pas. Parce qu'il faut comprendre que l'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau, si on parle de l'initiation exclusive du Québec, c'est-à-dire de l'apparition de cet homme nouveau, vous savez, l'homme nouveau, c'est pas un truc que j'ai inventé, que j'ai constaté, puis j'ai mis un nom là-dessus, c'est tout. Hein? C'est pas une philosophie, j'ai mis un nom sur un phénomène que j'observais. Les personnes qui se disent âgées, à un moment donné, ils ne se diront plus âgés. Ils vont comprendre que leur véhicule terrestre a une certaine dégradation. Ils vont comprendre qu'ils peuvent peut-être le reformer, le rajeunir. Mais qu'on ait 85 ans, ou disons un peu plus jeune, 72 ans, c'est évident que n'importe quelle de ces personnes peut carrément muter et devenir un homme nouveau. Ça n'a rien à voir avec l'âge. La personne peut avoir 20 ans, 19 ans, 18 ans, et être typiquement avoir les caractères de l'homme ancien, c'est-à-dire si la personne va vivre de la tradition, elle va vivre de l'opinion des autres, elle va vivre de la conscience collective, elle va avoir besoin des sondages pour se décider. Et lorsqu'elle va quelque part où elle ne sait pas où ce que c'est, parce qu'à un moment donné, il y a du monde sans doute qui sort du métro Crémazie, puis là, il se dit, c'est où le centre de l'universalité? Tiens, il y a plein de monde qui vont là, on va y suivre. Puis constater qu'il ne venait pas ici. Hein? Bon. Alors, à un moment donné, les humains qui fonctionnent collectivement, ils ont certains de ces problèmes. Et ça ne regarde pas l'âge. Ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, tu sais, à l'âge, je suis rendu. La mutation, elle se fait dans la tête, elle ne se fait pas dans tout le phénomène mémoriel, elle ne se fait pas dans votre pensée. Alors, à l'âge où vous êtes rendu, si vous avez de la difficulté à oublier votre dernière blonde et vous avez 18 ans, vous êtes aussi pogné que celui qui a 95 ans qui a de la misère à oublier toute sa vie. C'est question simplement, non pas d'oubli, juste question d'ouvrir les yeux sur la réalité. Qu'on ait 12 ans ou qu'on ait 150 ans, juste ouvrir les yeux sur la réalité et en fin de compte dire, tiens, c'est beau. À partir de maintenant, je vis de cela. Et je ne me dis pas, tiens, ça se couvre, c'est moins beau. C'est le passé. Un nuage, c'est bon. Une tempête de neige, génial, c'est un fait. Vibratoirement, c'est cela. La pluie aussi. Le soleil aussi. Sauf que lorsque l'humain vit de ce qu'il aimerait, qu'il a 12 ans ou 195 ans, il est un homme ancien. Je ne connais pas Bernard de Montréal de toute façon, mais disons que j'imagine que si on parle dans la même orientation, on doit parler dans le même sens. Je pense que ceux qui écoutent un autre et moi sont suffisamment lucides et intelligents pour savoir. Dans combien d'années peut-on s'attendre à des changements importants, type tremblement de terre, inondation, guerre nucléaire peut-être? Faut s'attendre tout de suite. On ne sait pas quand ils vont venir. Mais ça vaut pas la peine d'attendre pour attendre. N'est-ce pas? C'est important de poser des questions convenablement. Évidemment, la personne veut savoir ici dans combien d'années prévoyez-vous ces tremblements de terre? Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas contre les faits, mais je suis contre les faits. Donc, je ne suis pas un prophète. Je suis un prophète, mais pas un prophète. Enfin. Alors donc, Ça n'a aucune importance de savoir si, premièrement, ça va être ou si ça ne sera pas. Et quand ça va être, si ça va être. L'humain se dit toujours, pour remettre son devoir, on va démurger un mois. On a le temps, on va aller au parc, on va aller s'acheter un cornet de crème glacée. À un moment donné, 2 semaines. À un moment donné, une journée, le lendemain, on a le temps encore. Puis après ça, le soir, je me lèverai à 6 heures, puis je vais rentrer à l'école. Qu'est-ce que je pourrais m'aider comme raison? Ça va-tu venir? Ça viendra-tu pas? Disons que les conditions prêtent à ce qu'il y a des choses qui vont venir. Ce n'est pas parce que des choses vont venir que l'être humain doit se préparer à s'améliorer. L'être humain a passé sa vie d'humain sur le plan planétaire depuis qu'il était restrifié en tant qu'esprit, a évolué parce qu'il était écœuré de souffrir et parce qu'il avait peur des choses. L'humain évoluait contre lui, malgré lui, à coups de pied dans le derrière parce qu'il avait peur. On évolue pour avoir les grâces d'un dieu, pour fuir l'enfer. On évolue parce qu'on ne veut plus être malade. On évolue parce que ceci, parce que cela. Mais jamais on ne veut évoluer parce qu'on en comprend l'intelligence. Apocalypse ou pas, l'être humain est un être qui évolue améliorativement. Et il doit évoluer parce qu'à un moment donné, il doit comprendre l'intelligence de l'évolution améliorative. De l'évolution ou de l'amélioration, comme vous voudrez. Alors, on ne doit pas évoluer parce qu'on approche apparemment de la fin d'un cycle. Ce n'est pas parce qu'on approche d'un apocalypse qu'on doit cesser de souffrir. Ce n'est pas parce qu'on parle d'apocalypse ou qu'on parle de ces choses-là que l'on doit cesser d'avoir peur, que l'on doit cesser d'être malheureux, que l'on doit cesser d'aimer et de haïr, que l'on doit cesser de faire des enfants pour nos beaux yeux et de les rejeter quand on n'en veut plus, que l'on doit cesser de boire des choses non correctes et de se droguer, que l'on doit cesser de polluer. On doit cesser cela toujours. C'est pas nécessaire d'attendre qu'à un moment donné, la Terre demande si elle doit arrêter de tourner ou partir ailleurs. Faut tourner plus vite dans l'espoir d'éjecter tout le monde. Pour commencer à prendre conscience de l'intelligence d'une évolution écologique. On parle d'initiation. Il y a de fortes possibilités que si l'humanité ne s'initie pas d'elle-même, et elle ne le fera pas, qu'il y ait effectivement une initiation humanitaire interne inconsciente, c'est-à-dire que l'humain va se frapper l'un contre l'autre, que les tendances du monde d'illusion de l'homme finissent à un moment donné par engendrer des frictions aussi puissantes que la friction des continents les uns sur les autres, et que cela engendre des tremblements psychologiques, détruisant des égos psychologiques, détruisant des mémoires traditionnelles psychologiques, balayant des villes psychologiques, comme les tremblements de terre peuvent le faire avec les constructions matérielles de l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme construit dans sa psychologie que ses constructions sont plus sûres et en sécurité que celles qu'il a construites dans la matière. Sauf qu'on ne doit pas commencer ou envisager un cheminement d'évolution ou un cheminement amélioratif parce qu'on n'aura plus peur que les peurs traditionnelles. L'humain évolue pas à pas parce qu'il a peur pas à pas. Il y a des peurs fondamentales chez l'homme, étant donné que l'homme les mémorise, les expérimente, il finit par être sûr avec ses peurs. Donc, il évolue lentement. Parce qu'à un moment donné, on parle de quelque chose qui pourrait amener plus de peur chez lui, alors il parle d'évoluer plus vite. L'initiation, ce n'est pas intégré à un apocalypse. L'initiation va se faire individuellement, mais elle peut se faire dans un cadre collectif, un cadre apocalyptique. Mais elle se fera de toute façon individuellement. Est-ce que c'est nécessaire d'attendre le cadre collectif? Non. Quand va arriver telle chose? Quand va arriver ceci? Quand va arriver cela? Quand allez-vous commencer à vous prendre en main? C'est la question. On va dire comment se prendre en main. Évidemment, c'est compliqué. Et ceux qui ont pris ça mot à mot ont essayé de se prendre à un moment donné puis ils se sont cassés la gueule. Ils ont découvert qu'effectivement, c'était plus facile de se faire prendre par quelqu'un d'autre. Alors, transmettant ça au niveau de la psychologie, je recherche aussi quelqu'un qui pourrait les prendre en main, les sauver, les diriger, les instruire. Recherche des maîtres, des gourous, des messies. Vous êtes votre propre lumière, vous êtes votre propre sentier, vous êtes votre propre maître et vous êtes aussi l'élève. Il y a un humain sur la planète Terre qui est suffisamment spécialisé pour pouvoir vous botter le cul convenablement. Et cet humain ne peut travailler qu'avec un seul élève qui a été programmé de façon à pouvoir travailler avec ce maître-là. Et dans les deux cas, ces deux personnages sont le même. Et c'est vous. Le fait de travailler dans un monastère planétaire, ça peut être intéressant. Ça permet de cultiver, d'avoir plus de bouffe pour tout le monde. Donc, ça laisse plus de temps à notre instruction. Ça permet de pouvoir se rencontrer et de dialoguer. Parce qu'on dialogue présentement. Les conférences, lorsque je donne des conférences, il y a un dialogue. Oralement enregistré, il y a un monologue. Mais dans la tête des individus, dans la vibration émise par chacun d'eux, il y a un retour énergétique. Il y a un dialogue. Ça permet ces choses-là. On se prend en main quand c'est le temps de se prendre en main. Et quand est-ce que c'est le temps de se prendre en main? Lorsqu'on en prend conscience. Et on en prend conscience lorsqu'on envoie l'intelligence. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on envoie l'intelligence, que schnack, du jour au lendemain, c'est fait. Ça se peut. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pour tout le monde. On n'attend pas les apocalypses et tremblements de terre pour commencer. Vous dites qu'on est d'abord parti d'un même faisceau pour se diviser. Ensuite, vous dites qu'il faut revivre les mêmes expériences. C'est pour se fusionner ou se refusionner. Pourquoi est-ce nécessaire, puisque de toute façon, nous devons revenir au même faisceau qu'on a quitté, même expérience ou non? Bon, voyez-vous, il y a une mécanique de l'évolution. Donc, il y a une mécanicité évolutive. L'être humain ne comprend pas les choses. C'est un peu comme de dire... À quoi ça sert de planter une graine dans le sol puis de l'arroser, vu que de toute façon, ça va devenir un arbre? Alors, pourquoi ça ne devient pas un arbre? Ça doit devenir un arbre. Il faudra quand même la planter dans un sol qui a des nutriments. Il faudra quand même l'arroser. Il faudra quand même la préserver des mauvaises herbes qui peuvent l'étouffer. L'être humain aussi fonctionne d'une façon mécanique. J'ai expliqué souvent, on va quand même y revenir parce que c'est important et intéressant. Vous savez que si on prend un morceau de métal puis qu'on le tient, ça dégage, à part le retour photonique, la vision, la lumière, ça dégage pas grand-chose comme vibration, mais on sait qu'il y a des acides constitués d'atomes et que ça vibre en maudit. Si on frappe le morceau, il y aura une vibration qu'on va percevoir. C'est la même vibration, c'est un phénomène énergétique. Si on le frappe plus fort, il va dégager un son. La même vibration qui est tactile est maintenant auditive. Si on pourrait le faire vibrer encore plus rapidement, on finirait par sentir le métal chauffer. La chaleur. Cette chaleur peut radier des micro-ondes, on s'en sert pour faire cuire nos cossins. Si je le fais vibrer encore plus, cette chaleur va lentement se transmuer en lumière. Je vais voir le métal commencer à devenir rouge, puis blanc. Je vois la même vibration. Et on peut continuer à monter. Ce faisceau, c'est de l'énergie. Disons que théologiquement, c'est Dieu, scientifiquement ou cartésianement parlant, c'est de l'énergie. Terme comme on les veut. Cette énergie, lorsqu'elle arrive dans un continuum spatio-temporel, dans un espace-temps, elle est assujettie à la friction de cet espace sur son déplacement. On va passer, disons, les phénomènes un peu trop scientifiques. Elle est ralentie, cette énergie. C'est ce qu'on appelle l'involution. Étant ralentie, elle perd de son intégrité. Lorsque la vapeur d'eau est ralentie, elle perd de l'énergie. Elle devient de l'eau. L'eau n'a rien à voir avec la vapeur d'eau. Lorsque l'eau est ralentie, elle perd de son énergie. Il réchauffe la pièce, mais lui devient de la glace. La glace, vous savez, recevoir un cube de vapeur d'eau en plein visage, c'est mieux qu'un cube de glace. C'est pas la même chose. C'est atomiquement le même phénomène. La structure atomique étant différente, on peut dire que c'est un isomère. Bon, ça crée de la glace. La glace, pour redevenir de l'eau, devra têter de l'énergie, ce que beaucoup d'humains font pour évoluer. Têtant de l'énergie, la glace peut porter le nom de Satan. Et l'atmosphère ambiante plus chaude va porter le nom de Dieu. L'involué tête les dieux. Mais les évolués, eux, se rendent compte que Satan les tête. La glace se réchauffant en têtant l'énergie de l'air se refroidit. L'air involue, la glace évolue. Tous les phénomènes sataniques à l'échelle de notre planète sont des phénomènes énergétiques plus bas que nous. Lorsqu'ils viennent nous têter, ils nous baissent en vibration. Donc, c'est ce qu'on appelle les forces du mal. Mais eux le font comme nous le faisons avec les dieux pour évoluer. Lorsque l'être humain va têter un prêtre, un maître, un gourou ou son dieu, il doit baisser sa vibration. Et lui augmente. Il est satanique par rapport à l'autre et l'autre est yavique par rapport à lui. Cette énergie, lorsqu'elle est densifiée par le temps, elle finit par devenir un phénomène, disons, atomique. Ce phénomène atomique est inexprimé. Un autre palier, la même énergie densifiée par le même temps, va finir par être supportée par le premier palier. L'énergie vitale, les liaisons moléculaires et atomiques, on révèle la matière apparaît. On sait qu'à l'origine, la Terre était en ébullition extrêmement chaude. Oui, elle s'est refroidie. La Terre se refroidit et au fur et à mesure que les mêmes faisceaux d'énergie continuent leur descente, elles finissent par être supportées par de la matière vitale. Et là, la vie, disons, organisée va commencer. Les plantes vont sortir en premier pour préparer l'atmosphère aux animaux qui vont suivre, parce que dans le contexte atomique de notre planète, il y a certaines substances qui existent et on ne peut pas créer une vie outre ces substances. On aura donc une vie carbonique surtout, disons carbonique, oui, oxygène, carbone, azote, ce que nous connaissons au niveau de vie organique. Cette même énergie finit par, après des millions d'années, de se cristalliser. Et lorsqu'un autre, le même faisceau d'énergie, finit par venir lui toucher, ce qui est en dessous est maintenant suffisamment évolué, c'est-à-dire suffisamment structuré, que cette énergie n'a pas besoin de redevenir de l'atome et de la matière. Il peut maintenant être supporté par le plan vital de cette structure et qui évolue. Ça va créer le plan astral de l'humanité, ça va créer le ciel, le monde de la mort, ça va créer l'âme. L'évolution énergétique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'énergie s'empile là-dessus, ça finit par constituer une âme suffisamment évoluée, l'homme, au sein duquel va naître l'ego, l'identification suprême de la mémoire de l'homme dans l'âme. Cette énergie continue à descendre. Elle finit par être supportée et ça devient du mental, de l'intellect à sa naissance. Lorsque le mental s'énergise, et c'est le cas dans la majorité des personnes qui habitent le contexte nord de notre planète, la même énergie qui maintenant, à ce niveau de lucidité, porte le nom d'énergie supramentale ou d'esprit, lorsqu'elle est supportée par cet homme, elle a la possibilité d'être en contact avec la matière, mais elle reste dans sa lucidité d'esprit. Et c'est ça le rôle de l'homme, faire en sorte que la matière finisse par être luminarisée, c'est-à-dire intelligencée, c'est-à-dire espiritisée, c'est-à-dire évoluée. Donc, lorsque cette lumière supramentale touche le contexte d'un homme ou d'une femme suffisamment évolué, quand on dit qu'une personne est plus haute qu'une autre, on parle de sa vibration atomique. On ne parle pas du snobisme de l'ego. Donc, on finit par créer un homme ascendant. Lorsque nous parlons de l'être humain ascendant, sa vibration tend à augmenter. Lorsque Dieu descend au niveau d'un chien, il ne peut communiquer au chien que comme s'il était un chien. Lorsque Dieu descend aux oreilles d'un homme qui a une conscience intelligente, Dieu arrête à ce niveau d'intelligence et communique avec l'intelligence de l'homme. Pourquoi pensez-vous que lorsque l'être humain était un être humain guerrier, ben les dieux avaient des armées? Les dieux avaient des peuples élus et ils fustigeaient et même ils punissaient les autres peuples. Et qu'au fur et à mesure que l'humain est devenu pacifique, les dieux sont devenus pacifiques. Au fur et à mesure que l'humain a commencé à pardonner, les dieux ont commencé à pardonner. Oui, parce que ce que l'être humain appelle Dieu, qui est un contexte exprimé dans le plan planétaire de l'intelligence, disons pour l'instant supramental, parce que le plan supramental, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup d'autres, enfin, il y a deux autres plans. Lorsque cette intelligence est exprimée au niveau de l'homme, elle s'exprime au niveau de l'homme, à la hauteur vibratoire de l'homme. Donc, lorsqu'un être humain d'un bon niveau vibratoire a un contact intuitif avec un plan théologique, le plan théologique peut lui dire « Ces astis-là, c'est des infidèles. Tu dois les tuer. » C'est le même énergie supramentale qui va venir un jour dire à l'homme « Ce désert, ça peut être intelligent d'en faire un Éden. » La même énergie. Mais elle ne peut pas s'adresser à l'homme si l'homme est là. L'énergie doit descendre à son niveau. Qu'est-ce qu'elle a fait? Descendant à son niveau, elle énergise l'homme. Mais le contact est un contact adapté à l'homme. Et lorsque cette énergie vient au niveau de l'homme, elle est comme l'homme. De quelle façon l'intelligence peut-elle régler la matière? On dit, pourquoi Dieu ne vient pas dans le contexte de l'homme régler nos problèmes? Pourquoi y a-t-il des handicapés? Pourquoi les bons partent-ils avant les mauvais? Pourquoi est-il plus facile de faire un pacte avec le diable qu'un pacte avec une entité divine? Pour la simple raison que les phénomènes sataniques, diaboliques, sont des phénomènes planétaires astraux qui ont une vibration beaucoup plus basse que les phénomènes, disons, spirituels des plans théologiques. Vu qu'ils ont une vibration plus basse, ils sont plus facilement matérialisables. Alors, évidemment, il y a plus de résultats. Sauf que karmiquement, il y a un maudit problème. L'homme se refroidit à ce contact. Ce qu'on appelle d'ailleurs faire un pacte avec le diable. Lorsque l'être humain veut parler à des plans hautement spirituels, ben ce plan spirituel prendra beaucoup plus de temps avant d'être matérialisé. C'est plus long. Le résultat est un peu plus certain. Sauf que lorsque l'être humain est capable de transcender le plan du ciel et pénétrer les cieux, donc le contexte supramental de prime abord, ben alors évidemment là, il y a une autre phénoménologie qui va s'opérer et on parle de l'homme nouveau. Ça doit répondre. Travailler présentement à bannir de la région de Montréal les industries militaires qui y pullulent. Est-ce là une action qui vous apparaît avoir des chances de succès à brève échéance? Bon, premièrement, ça n'a pas d'importance que cela ait du succès à brève échéance parce que foncièrement, planétairement parlant, ça ne changera rien. Maintenant, il y a de l'intelligence dans les individus de tenter de faire ces choses et il y a de l'intelligence d'avoir ces usines militaires dans la région de Montréal. Alors, ce qui fait que ça paraît un peu, disons, paradoxal, mais c'est intelligent que l'humain veuille la paix, même si la paix ne viendra pas parce que ces humains-là veulent la paix. Les usines militaires ne partiront pas pour un paquet de phénomènes qui ne sont pas analysés par ceux qui veulent que ces usines partent, sauf que l'expression de l'intelligence écologique et pacifique qui commence à être exprimée par ces individus force ces individus à exprimer cette intelligence par le biais d'une action qui peut avoir un effet et qui peut ne pas en avoir une matériellement, mais qui a un effet mutatoire absolument opérant, ce qui fait que les individus qui veulent faire ce genre de choses sont des individus en phase de transition pour la majorité, bien que certains veulent le faire par peur, mais leur peur est exprimée dans une démarche pacifique plutôt que d'être exprimée dans une démarche alcoolique, dans une démarche schizophrénique, dans une démarche paranoïaque. Donc, il y a de l'expression de l'intelligence. On ne doit jamais demander si ce que l'on fait va réussir, parce qu'on ne doit jamais le faire pour cela. Il y a une démarche évolutive, une démarche énergétique, une démarche améliorative dans notre condition. C'est comme de dire, si j'arrête de polluer, ça va-tu dépolluer? Non. Mais si tu arrêtes de polluer, toi, tu mutes. Toi, énergétiquement, tu deviens autre chose. Et c'est l'individu, lui, qui a de l'importance pour lui. Alors, si on se dit, est-ce que ça va donner un résultat? Si je dis non, on va se dire, bon, mais ça vaut pas la peine. Non. L'expérience de la vie, c'est de l'initiation. Ça amène au savoir. Le savoir instantané, un savoir actif. Contrairement à l'intellectuance mémorielle, le savoir passif mémoriel. Alors faites. Ça va-tu marcher? Faites, on s'en fout. L'être humain, la réussite, elle est déjà là à l'instant même où vous ouvrez un œil. Est-ce que vous allez voir tout le monde commencer par ouvrir les yeux? Mais ayez confiance, un jour, ces usines d'armement n'existeront plus à Montréal. Peut-être Montréal non plus. Mais ils n'existeront plus à Montréal. Quelle que soit la façon. Mais ce qui est important, c'est que vous devez agir, faire des choses. La personne qui est tout à fait malade et qui décide de faire attention à sa santé alimentaire, par exemple, il est trop tard. La mutation, elle se fait dans la tête, dans la conscience, dans le système neuronique et dans un paquet d'autres choses. Pas dans le résultat matériel d'un acte. Des êtres pacifiques, on en a besoin. S'il doit y avoir une guerre avant, les êtres pacifiques n'y changeront rien. Mais après la guerre, il faudra qu'on en aille des expérimentés. S'il n'y a pas de guerre, tant mieux! Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas à partir du résultat matériel que vous devez savoir si vous le faites ou non. Exprimez de votre intelligence, de votre énergie. Il y en a un qui va dire, « Bon, ben moi, je vais escalader toutes les cheminées. » On va dire, ça va servir à quoi? C'est une expression collective d'une mutation sociale au niveau des mémoires archétypales, c'est-à-dire qu'on est en train de néotyper la conscience collective de l'homme. Bien compliqué, mais une chose certaine, c'est qu'on est en train de changer, l'humain change. Il y a une évolution tranquille qui commence à être un peu moins tranquille, qui commence à être efficace et à être active. Mais c'est parfait. Moi, je dirais pas au gars qui escalade des cheminées, fais pas ça, ça sert à rien. Je dirais rien au gars. Escalade. Ton expression, présentement, elle est colorée, mais elle est dans un objectif qui a de l'avenir. Une dépollution, une terre plus pure, une paix. Ton système, ta manière, ça vaut rien, mais le peuple n'est pas prêt, la société n'est pas prête, la planète n'est pas prête. Ça sert à rien d'aller dire aux gars quoi faire. Continue, il y en a qui te voient le faire. Ça induit dans leur mémoire collective des choses, puis lentement, il y a une mutation sociale qui se fait. C'est évident que si vous le faites individuellement, c'est mieux. Mais c'est parfait que l'humanité fasse ça. Génial. Vous savez qu'avant, on faisait des armes pour la guerre. Après ça, on faisait des armes pour la sécurité. Après ça, on faisait des armes pour les chiens. Là, maintenant, depuis quelques années, depuis 30 ans, on en fait pour la paix. On va dire, ouais, mais c'est le reste des mêmes armes. Oui, mais l'humain a changé l'expression de son mot. C'est sûr qu'une arme ne sert jamais à construire la paix. Mais on parle de plus en plus, on va dire, c'est une propagande, tant mieux. Parce que même si la propagande part d'un corps menteur, ce qu'elle induit dans la société, c'est la paix. Qui continue. Poussez-les, les compagnies, ne dérange pas. Comment te situes-tu par rapport à la cosmogonie d'Urantia? Si tu veux ou peux répondre, comment apprécies-tu l'initiation maçonnique et que penses-tu du rituel ancien et primitif de Memphis Misraïm? Bon, premièrement, je n'ai jamais lu la cosmogonie d'Urantia. Je fais souvent la même farce parce qu'un jour, dans un symposium, je faisais une conférence sur la cosmogonie et j'ai commencé en disant que je vais faire une conférence sur la cosmogonie d'Urantia, mais que je ne l'ai pas lue. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont été frustrés. Puis j'ai expliqué quand même dans le début de la conférence que le gars qui l'a écrit, il l'avait pas lu lui non plus. Alors, s'il pouvait l'écrire, je pouvais bien en parler. Bon. Alors, pour la cosmogonie, voilà, c'est fait. Comment apprécies-tu l'initiation maçonnique, etc., etc. Bon, que penses-tu des rituels anciens primitifs de Memphis? Comment je vois le phénomène maçonnique? Je n'en parle pas pour l'instant pour la simple raison qu'il y a encore de la franc-maçonnerie au Québec et qu'il y en a encore dans le monde. Il y a encore aussi d'un phénomène parallèle pour des raisons antagonistes et des raisons similaires, le phénomène rosicrucien qui existe encore. Et ces deux mécanicités similaires engendrées par le même personnage dans des temps quelque peu éloignés ont encore leur raison d'être. Alors, on n'en parle pas. Et tout ce qui regarde les initiations Memphis ou les choses du passé, il faut comprendre que la majorité de ces phénomènes étaient des phénomènes astrales qui étaient hautement intelligents à l'époque. Et dans ces rituels, on a construit énormément de plagiat du monde matériel dans le monde astral, dans le ciel. C'est ce qui, bien brièvement, parce qu'en fin de compte, on pourrait en parler longtemps, mais ça ne serait pas extrêmement utile. Si la personne a une question, disons, plus précise, si elle pense que ça peut lui être utile, on peut toujours l'écrire et l'amener en avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a, à cette époque, et surtout au niveau de l'initiation memphique, il y a des choses qu'on faisait faire aux individus dans le but, justement, de les former au niveau des plans astraux, ce qui les amenait à un moment donné à des contacts outre le plan astral, mais les individus se sont perdus dans un dédale de structures astrales créées en plagiat de la structure réelle. Un exemple de ces vestiges, c'est que beaucoup de radiesthésistes, ceux qui jouent avec des pendules, là, des professeurs de tournesol, beaucoup de radiesthésistes beaucoup de personnes qui sont apparemment prophètes ou voyants, beaucoup de clairaudients, clairvoyants, beaucoup de personnes qui sont amusées à faire des extra-conscientisations astrales, des voyages astraux, ont vu, par exemple, dans certaines régions de la Terre, de l'Égypte entre autres, certaines ruines, certaines choses, certaines portes, certains temples, certains lieux initiatiques. Et lorsque l'on creuse dans la matière, on n'y trouve pas. Effectivement, elle n'existe que dans l'astral. Et il y a une panoplie de choses dans ce genre-là. On pourrait parler, mais disons, du phénomène Memphis, mais il faudrait qu'on ait une question plus précise, parce que sinon, on va prendre du temps pour les autres questions. OK, deux questions dans le même genre. Toutes les branches évolutives ont gardé des représentants. Se pourrait-il aussi qu'il y ait deux branches d'humains, dont une branche va muter et l'autre rester représentant de l'homme ancien? Sinon, pourquoi? L'autre question, c'est dans combien d'années la race bleue apparaîtra-t-elle? Bon, la race bleue, elle est déjà là. Ça fait quelque temps, quand les médecins sortaient les enfants bleus, ils pensaient que c'était ça, mais c'est parce qu'il manquait d'oxygène. Ça, on a réglé le problème. La race bleue, c'est un phénomène intéressant qui fait référence à la sixième race mère de l'évolution de notre humanité qui devrait en contenir sept. Nous sommes donc de la cinquième race mère, la race blanche, et la majorité d'entre nous génétiquement sommes issus de la cinquième sous-race de la cinquième race mère blanche, la race teutonique, la race du Nord, la race des Vikings. Maintenant, la mutation neuronique, la mutation corporelle, lorsqu'on parle de la race bleue, on parle encore d'une race neuronique, une race qui fait référence aux neurones du cerveau et non pas à la cutanéité. Il y a déjà eu une race bleue qui, à un moment donné, à l'époque, disons, reculée, la Bible place ça dans la création de l'homme. On peut faire référence à la Lémurie. On peut aussi faire référence à juste aux phénomènes qui ont précédé l'apparition de l'Atlantide, où la Bhagavad Gita va commencer à prendre ses sources, même si c'est un phénomène indo-européen relié à Rama, le conducteur de cette première sous-race de la race mère blanche. On a donc dans la Bhagavad Gita immensément de dessins de personnages bleus, dont Rama, dont Krishna, qui sont bleus. On a déjà eu affaire à une race bleue qui, à un moment donné, s'est mélangée à l'homme, à l'animal humain, créant l'être humain. C'est des choses sur lesquelles on pourra revenir à un moment donné. Alors, la race bleue dont fait référence l'ésotérisme traditionnel est une race neurologique ou neuronique, et pas cutanée. Toutes les branches évolutives, blablabla, bon, parfait. Il y a effectivement toujours eu deux scissions à l'échelle de la planète. Il y a eu une scission, traditionnellement, on peut parler des fils de Lot, on peut parler des fils, enfin, il y a des choses, à un moment donné, des êtres de lumière, des êtres de l'obscurité, des êtres solaires, des êtres lunaires. Et il y a évidemment le phénomène rosicrucien franc-maçonnique, qui est la poursuite, disons, matérielle de ces choses. On peut parler aussi du phénomène cartésien, du phénomène théologique ou intuitif, c'est-à-dire qu'il y a une humanité qui est plutôt intuitive et qui explique son intuition d'une façon émotive. Cela va engendrer tous les phénomènes de philosophie, de morale, de religion, etc. Et on a une autre partie de l'humanité qui fonctionne au niveau de sa perception physique. Elle va analyser cette perception d'une façon cartésienne, c'est-à-dire intellectuelle, et on aura donc le caractère scientifique et toute la phénoménologie de ce qui, du côté cartésien, s'oppose au côté théologien. Maintenant, évidemment, l'homme nouveau, lui, va être un être humain qui va être capable de fusionner la thèse et l'antithèse en une synthèse, par le fait que l'être nouveau aura une conscience nouvelle, une conscience qui ne sera pas planétaire, une conscience qui ne sera pas, disons, l'expression ou la réflexion émotive de son intuition. L'homme nouveau aura de l'intuition qu'il pourra intelligencer. L'homme nouveau aura une perception qu'il pourra émotiviser. L'homme nouveau aura ce qu'on appelle un troisième cerveau, qui est un cerveau vibratoire, un cerveau éthérique, c'est-à-dire un cerveau vital, donc qui n'aura pas de lobe au niveau du contexte cérébral humain. Sauf que ce cerveau entrera en résonance avec une partie intégrale du cerveau de l'homme, la glande pinéale, qui va permettre la gestion d'une sécrétion d'hormones, une hormone qui est émise et sécrétée par le corps de l'homme seulement de la naissance à l'adolescence. Lorsque cette hormone cesse d'être sécrétée, les caractères sexuels, secondaires et primaires apparaissent, et lentement la génétique apparaît chez l'humain. Celui-ci devient donc procréateur, c'est-à-dire que la moitié de son énergie vitale ne servira plus à la programmation de son cerveau, mais pourra servir à la transmission cellulaire génétique. Maintenant, il faut, pour créer un être humain, un potentiel d'énergie vitale l'énergie sexuelle, si vous voulez, suffisamment puissant. C'est pourquoi, depuis la Lémurie, l'homme est sexué. C'est-à-dire qu'à l'instant même où l'homme a pris une partie de son énergie pour commencer à créer son corps cérébral, son cerveau, il a manqué de potentiel vital et les corps androgynes de l'époque ont été sexués de façon à ce que la moitié de l'énergie vitale de l'un plus la moitié de l'énergie vitale de l'autre puisse engendrer convenablement une mécanicité procréative. On sait que physiquement, la femme, elle est receveuse, c'est-à-dire que l'homme est donneur physiquement. On peut constater, n'est-ce pas, que ça s'imbrique bien, hein, comme la prise de courant dans le mur. Hein, on parle d'une prise femelle, une prise mâle. Bon. On sait aussi que vitalement, la femme, elle est donneuse, l'homme est receveur. C'est pourquoi l'homme est manipulé par une contrainte, disons, sexuelle, à têter l'énergie sexuelle de la femme. L'homme est sexuellement manipulé par ce plan. La femme, elle est donneuse, donc elle pourra donner à l'homme. Et c'est évidemment elle qui pourra aussi engendrer la vie fœtale, donc donner la vie. L'homme, par contre, au niveau psychologique, est un être qui est donneur, comme physiquement. La femme, elle est réceptive physiquement, elle est réceptive astralement, psychologiquement. Donc, la femme aura besoin de sécurité, la femme aura besoin d'amour, l'homme pourra en donner, mais l'homme n'en a pas besoin, comme tel. Évidemment, il y a des exceptions, il y a des colorations, il y a des atténuations. Au niveau mental, la femme, elle va être donneuse, hein? L'homme va être récepteur, c'est pourquoi la femme va être celle qui va manipuler l'homme, le mâle, à dire « ta maison, la maison est laide, on devrait décorer, on devrait bâtir, on devrait ceci, on devrait cela ». Mais la femme, n'ayant pas de capacité, elle est donneuse, donc elle donne les idées. L'homme les reçoit, l'homme va donc devenir le travailleur. Ce qui va engendrer une société planétaire qui va être régie par l'échange. Je te donne ton bibelot, tu me donnes tes fesses, et etc., etc., etc. Tu aimes l'enfant, c'est normal, parce que les femmes ont besoin des enfants, les femmes ont besoin d'amour. L'homme, lui, a besoin de sera donneur et récepteur au niveau des plans astro, psychologique, mental, et elle pourra donc se confronter à un contact supramental, elle seule, à un moment donné. L'homme fera la même chose. Donc, l'homme nouveau sera capable d'aimer un enfant comme une femme. La femme nouvelle pourra traiter en affaire comme un homme. Et de plus en plus, on aura une androgyne au niveau social, une androgyne psychologique, mentale, supramentale, pas physique, pas pour l'instant. Alors donc, si on parle de cette scission, est-ce qu'il y aura une partie d'homme ancien, une partie d'homme nouveau? Non. Par contre, pendant la période de la crise de l'adolescence de l'humanité, une période qui va s'échelonner sur plusieurs centaines d'années, et il y aura effectivement un contingent d'hommes anciens, un contingent d'hommes transitifs et un contingent d'hommes nouveaux, et ça va de soi. Sauf, est-ce qu'il y aura une guerre entre l'homme nouveau et l'homme ancien? Non. L'homme ancien va être trop occupé à se battre entre lui. Okay, dans l'ère du Verseau, est-ce que la femme aura un rôle important à jouer? Ça, c'est une question de femme, je suis sûr. Le rôle de la femme. À quoi ça sert une femme, messieurs? Entre nous, les femmes n'écoutent pas. Vous pouvez parler, les femmes n'écoutent pas. Le rôle de la femme. Quel était le rôle de la femme dans l'ère du poisson? Dans l'ère du bélier, dans l'ère du taureau, dans les airs passés. Un humain, un corps physique, le fœtus, savez-vous quelle espèce de monstruosité génétique qu'il doit vivre dans l'utérus de la mère? Mais c'est pas beau, un fœtus! Il n'est peut-être jamais vu, réellement. Pas serré la main, hein? Non, même pas. Demain. Le fœtus, c'est quelque chose de génial et d'extraordinaire, mais émotivement, c'est pas esthétique. Le fœtus est une cellule fusionnée à une autre cellule, donc on mélange les caractères génétiques et on mélange le potentiel d'énergie vitale pour constituer une prolifération qui génétiquement sera mémorisée dans l'énergie vitale, qui sera la structure atomique de l'acide désoxyribonucléique, de l'ADN, donc des nucléoles, des chromosomes, la génétique, quoi. Cette cellule prolifère et ça crée des bébites, ça crée des cossins, ça grossit lentement, puis ils ont fini par créer un humain. Il y a de cela belle lurette, un peu plus avant même. Lorsque l'humain était androgyne, l'humain avait la possibilité justement de se procréer sans contact sexuel. L'humain n'était pas sexué. Alors on va dire, oui, alors comment l'humain pouvait? Bien, l'humain ne vous ressemblait pas. Bon, l'humain transpirait puis se reproduisait. L'humain s'est coupé en deux puis ça en faisait deux. C'est comique. Mais l'humain n'avait pas la grosseur que vous avez et les cellules se coupent encore en deux et se reproduisent. Et on a encore des amibes qui vont y aller par prolifération similaire à ce qu'on peut appeler la transpiration. Bon, c'est intéressant, mais c'est une chose. Lorsqu'à un moment donné, les corps physiques ont suffisamment d'énergie vitale, lorsque l'énergie qui vient maintenant descendre chez eux doit transmuer ce corps pour permettre à ce corps de devenir un réceptacle, l'homme est créé, la femme est créée, et on a donc la femme et l'homme, le sexe. Mais ça a commencé avant ça, mais disons que l'homme, l'humain, amifié avec un arbre, commence là. Lorsque l'énergie vitale de l'homme, donc de l'humain plutôt, a commencé à grimper le long de sa colonne pour aller travailler le cerveau de façon à engendrer une prolifération neuronique au niveau du cerveau. Et c'est pourquoi, avant l'adolescence, l'enfant n'est pas sexué, pour la simple raison que la programmation axonique, la programmation de ses neurones, n'est pas complétée. Donc, de zéro à l'adolescence, c'est cela qui va se faire. C'est là-dedans que ça se fait. C'est ce qui s'est passé aussi dans l'Antiquité. Lorsque cette énergie vitale a monté, automatiquement, l'entité ne pouvait plus procréer, manquait de puissance. Et lentement, les humains ont commencé à être mutés, c'est-à-dire que des caractères sexuels sont apparus. Ça se fait pas comme ça. C'est relatif à l'évolution darwinienne. Mais depuis ce temps, l'évolution se fait, comme je disais dernièrement, à la kempienne, c'est-à-dire que c'est une évolution améliorative, mais non pas adaptative, comme les animaux le font, depuis ce temps. Lorsque la femme est apparue, l'homme est apparu, c'était quoi le rôle de la femme? Le même maudit rôle que l'homme. Socialement, peut-être pas. Parce qu'il y a eu un grand temps où c'était un règne de matriarcal, c'est-à-dire que c'était le règne des sorcières, et c'est Rama, donc au début de la race indo-européenne, qui a à un moment donné mis fin à ça et qui a instauré le patriarcat, l'homme, le mâle. Depuis ce temps, le mâle domine. Chacun son tour, ça va de soi. Est-ce qu'un jour les enfants domineront? Ils vont se libérer. Ça va de soi, ça fait pour ça pas. Sauf qu'on arrive à un androgyne nouvel, donc le rôle de la femme sera le même que celui de l'homme. Dans l'Antiquité, ça a été le même que celui de l'homme, de façon détournée. T'sais, l'homme avait le pouvoir, oui, mais tous les grands hommes, il y avait une bonne femme en arrière qui les bottait derrière pour faire tout ce qu'il voulait. Tout ce qu'elle voulait, plutôt. Bon, alors quel était le rôle de la femme? Est-ce qu'elle avait l'apparence, si le monde la voyait? Peut-être pas, mais cosmiquement, on s'en fout. Égoïquement. Plaisir que la femme soit en avant pour les femmes, plaisir pour les hommes, mais cosmiquement, ça n'a rien à voir. Alors, le rôle de la femme dans l'ère nouvelle va être le même rôle que celui de l'homme, c'est-à-dire que la femme va être un humain, l'homme va être un humain. Et les deux vont se considérer selon leur juste valeur, mais non pas selon des ségrégations sexistes et un paquet de conneries qui n'ont plus rien à voir. Si la femme, elle doit retourner à ses chaudrons, peut-être, si elle en vend, c'est intéressant, elle en a fait, elle va les chaudrons, retourner à ses chaudrons. Dans le communiqué du centre sur le PMC, on dit « Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'homme n'a pas intérêt à poursuivre le genre de pratiques telles le yoga et le tai chi, parce que tout ce que ces techniques avaient de bon à donner, l'homme les a reçues. » S'il vous plaît, expliquez. Et un PS. Vous avez les plus beaux yeux du monde, presque. Ça paraît que la personne n'a pas voyagé. Bon, lorsque je dis qu'effectivement les techniques du passé ont donné à l'humain ce qu'elle avait à lui donner, donc que l'humain maintenant doit commencer à pratiquer de nouvelles techniques, on va dire à quoi ça sert une technique. Vous savez que la religion, c'est une technique, le rituel, c'est une technique, ça permet des choses. La mécanicité de l'évolution, elle peut être comprise intuitivement, elle peut être comprise aussi intelligemment, consciemment. Il y a une mécanicité. Si c'est mécanique, on peut prévoir des choses, c'est ce que j'appelle la conséquentialité. Si c'est conséquentialisable, c'est donc technifiable. Si c'est technifiable, on peut donc en faire une technique. Maintenant, on va dire, est-ce que la technique promet telle chose? Non, promets-moi ce que t'es, moi te promettre le résultat. Tu sais? Mais la technique, c'est un outil. Bon, c'est tout. Si t'as un beau marteau en or avec un clou tout rouillé, tout croche, le marteau, je peux pas te promettre qu'il va planter tous les clous. Bon. Puis si le clou, c'est un clou de chemin de fer, autre chose. Bon. Pourquoi les techniques de l'Antiquité n'ont-elles presque plus rien amené à l'humain? C'est simple. Le corps de l'homme, génétiquement, n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc, l'être humain de l'Antiquité, on parle surtout de techniques qui commencent au niveau indo-européen, donc qui viennent de l'Inde, et qui lentement vont s'étendre, proliférer jusqu'à nos jours. Que ce soit les arts martiaux, le tai chi, que ce soit les techniques de de méditation, que sur les techniques de yoga, etc. Ces techniques sont absolument géniales. S'ils n'auraient pas été inventés, il aurait fallu que quelqu'un les invente à un moment donné. Puis effectivement, ils n'ont pas été inventés. À un moment donné, quelqu'un les a inventés. Bon. Ces techniques amenaient quoi à l'homme? Ces techniques prenaient des corps massifs, des corps qui nerveusement n'étaient pas construits comme les vôtres, des corps qui cérébralement n'étaient pas construits comme les vôtres, des corps qui n'avaient pas l'énergie mentale que vous avez. Hein? Il y a beaucoup d'humains à l'époque qui n'avaient même pas de conscience de vie. Bon. Ces techniques, on les pratiquait et ça l'engendrait dans le pratiquant une mutation cellulaire atomique, c'est-à-dire que ça cellularisait l'évolution. Génétiquement, c'est transmis très lentement et au cours des temps, les techniques finissent par amener à l'homme ce qu'elles doivent amener à l'homme. Mais lorsque l'humain naît déjà avec le résultat de toutes ces techniques, vous voyez qu'aujourd'hui, on est avec un maudit beau corps. Évidemment, on le magane au coton en s'en allant. Bon, la technique peut nous aider à rajeunir un peu le corps, mais ce n'est pas des techniques progressistes, ce sont des techniques d'entretien. Dans l'Antiquité, elles étaient progressives. Lorsqu'aujourd'hui, on a un corps physique qui a tout ce que la technique peut lui amener, pratiquez pas la technique au nom du fait que, le 2000 ans, ça marchait. C'est sûr que ça marchait, la preuve, vous autres. Alors maintenant, l'être humain doit donc vibrer, intuitiver une phénoménologie d'évolution progressive, adapté à son point de départ, son corps, sa psychologie exprimée par ce corps, et faire quelque chose de neuf. Alors, celui ou celle qui pratique le yoga, c'est bon, mais elle doit savoir que ce n'est pas une technique progressive, c'est une technique d'entretien ou une technique de cure. C'est bon. Dernièrement, avec le temps, à un moment donné, pour certains, ça va assez oui. Il y a un bonhomme qui fait le programme être contrôleur, donc qui fait le PMC, qui est professeur de yoga. À un moment donné, je lui ai demandé, « Fait combien d'années tu fais du yoga? » Tu fais 53 ans. Quand tu arrêtes d'en faire, tu perds tout ce que le yoga t'amène? » Ben, il dit oui. Donc, tout ce que le yoga t'amène, t'appartient pas. Ça appartient toujours au yoga. Donc, tu es l'esclave du yoga. Ben, effectivement. Depuis ce temps-là, il est pogné que c'est maudit cours parce que le monde veut avoir du yoga puis lui veut plus en enseigner. Je lui ai dit, tes gens en ont besoin, mais dis-leur simplement qu'à un moment donné, quand ils sont venus en forme, pense à d'autres choses. Pas rester l'esclave d'une technique. Toute technique, même les techniques du PMC, c'est la même chose. Toute technique doit enseigner à l'individu à se passer d'elle. Une technique qui t'amène la paix, quand tu arrêtes de la pratiquer, si tu n'as plus la paix, tu es comme l'alcoolique. Une technique qui t'amène la paix, puis quand tu as la paix, tu lâches la technique, puis tu restes en paix. Génial. Alors, pratique-la plus. Condamne-la pas, laisse-la aux autres, mais toi, continue ton chemin. C'est ce qu'on veut dire par ce phénomène. Religion, une seule, comment allons-nous y parvenir ou le moyen? Car il y a beaucoup d'évangélistes, comment savoir qui dit vrai le reconnaître? Bon, premièrement, on n'a pas à savoir qui dit vrai, puis on n'a pas à le reconnaître. Vous allez le reconnaître la journée qu'il va dire comme vous autres. D'ailleurs, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il y aura une seule religion? Disons qu'il y aura un phénomène de religion mentale à un moment donné, mais l'homme nouveau, lui, n'aura pas de religion, parce que ce que la religion promet, ben, l'homme nouveau l'aura. Alors, donc, il n'aura plus besoin de pratiquer ces techniques. Comment reconnaître l'évangéliste? Bon, l'évangéliste amène des évangiles, disons que c'est quand même un peu du domaine du passé. Comment reconnaître ceux qui disent des choses qui sont réelles? Vous pouvez appeler ça vrai si vous voulez. Ben, on n'a pas à les reconnaître. Vous savez que moi, je peux dire n'importe quelle menterie, je peux ne pas vivre absolument rien, je peux vivre peut-être un iota de ce que je dis. Mais si ce que je dis a fait du sens, est-ce que vous devez trouver que ça fait du sens si je le vis, puis pas trouver que ça en fait si je le vis pas? Est-ce que vous devez savoir si vous pouvez vous fier à moi ou non? Êtes-vous capable un petit peu de vous fier à vous? Ce que je dis, ce qui est con, on l'oublie. Ce qui fait du sens, mais on l'applique. On l'élimine pas à cause des choses connes. Les choses connes, ça peut être parce que j'ai déconné. Ça peut être parce que j'ai pas compris des choses. Ça peut être parce que, etc. Alors, comment reconnaître? Mais on s'en fout. Vous n'avez jamais rencontré un Messie. Donc, vous n'avez pas expérimenté ce Messie, cette rencontre. Donc, mémoriellement, vous n'avez pas cette mémoire, cette image du Messie. Vous avez celle stéréotypée que vous avez voulu vous former. Alors, comment pouvez-vous honnêtement demander comment le reconnaître? Vous ne le reconnaîtrez jamais, sauf si vous devenez un Messie. Mais quand vous allez en voir un autre, vous allez être complice. Elle le reconnaît. Elle est vibrée. Comment savoir si ceci ou cela, pas par les yeux? Les yeux sont le reflet de l'âme. On doit se fier à soi. On doit se servir de ce qui est là-dedans. Ça fait du sens pour vous, ça améliore votre vie, ça place des choses, c'est ça. Ça ne fait plus de condamner pas si t'as une marge de te monter en haut. Puis là, vous recherchez d'autres choses. Puis à un moment donné, les choses vont venir de vous-même, puis vous allez être capable de les supporter. Vous allez commencer à vous libérer, à vous centrer dans votre intelligence, puis à devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. On ne recherche pas à savoir comment les reconnaître. Mais non. Pourquoi ce qui se passe à la faille Saint-Andrew est-il le Québec? Pour la simple raison que le phénomène spirituel de l'illusion dont je vous parlais tout à l'heure est un phénomène qui handicape l'humain. Le Québec est une région qui doit se mentaliser pour être supramentalisée, donc qui doit s'espritiser, donc qui doit s'intelligencer. Donc, le Québec est une région qui doit supporter des humains qui vont se centrer sur eux et qui vont entrer en contact avec leur propre esprit, avec l'intelligence instantanée, le contact supramental. Pour cela, l'humain doit être, désassujetti de la majorité des phénomènes spirituels illusoires. Les phénomènes de maîtres, de gourous, etc. En Amérique, c'est la Terre neuve. Une région devra donc focaliser toute cette chose. La Californie, 72 pages de bottins téléphoniques contenant que des adresses de secte, juste à Los Angeles. Je ne vous parle pas de San Francisco. C'est un réceptacle qui permet au Québec de rester relativement libre. Les cantons de l'Est vont absorber le dernier peu vestige de ce qui va rester au Québec, libérant le Québec. Plus le Québec reste con, plus longtemps Los Angeles et San Francisco vont rester à la surface de la planète. Plus le Québec devient mental, intelligent, lumineux, homme nouveau, plus vite ces villes vont être précipitées. C'est dramatique. Non, c'est une mécanique qui est intelligente et convenable. Ça fait con. Nous, on évolue, fait que les autres, ils s'enfoncent. Oui, c'est un outil. Les humains ne disparaissent pas, les humains ne meurent pas. Même les premiers cartésiens ont dit que dans notre contexte, rien ne se perd, rien ne se crée. Imaginez-vous, c'était même pas des théologiens, puis ça va ça. La théologie, c'est depuis longtemps, elle parle d'éternité. Pas d'immortalité, d'éternité, c'est autre chose. Alors donc, de quelle façon ça aide le Québec, le phénomène californien? Ben c'est ça, c'est que ça aspire un paquet de phénomènes égrégoriens. C'est là que les sectes vont s'installer plutôt qu'au Québec. Et ça libère ces choses, ça libère des places. Si le Québec n'est pas affecté par les guerres et les fléaux naturels, en quoi souffrira-t-il? Bon, le Québec va être affecté par les guerres et les fléaux naturels, surtout parce que tous nos Walkman viennent du Japon. Ça va évidemment affecter énormément le Québec, c'est bien sûr. Bon. Nos meilleurs véhicules automobiles viennent aussi du Japon. Imaginez-vous, fait qu'on roule en Ford. Ça va affecter le Québec. Ford, vous connaissez ça, ferraille, ordure, but de chêne. Bon. Maintenant, ils sont améliorés, ils font des bons chars. Bon, mais s'amuser un peu. Non, mais le Québec va souffrir de quelle façon? Simplement que le Québec va commencer à voir clair. Vous voyez ce que ça donne quand on voit clair et qu'on voit juste pas assez clair? Mais tant qu'on sait pas qu'on est un esclave, ça va bien. La journée qu'on voit qu'on est un esclave, mais qu'on voit pas qu'on va s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait? On se suicide. Pourquoi on a de plus en plus de jeunes, puis qu'on a une prolifération au niveau du Québec de jeunes qui se tirent une balle dans la tête, qui se jettent, enfin, qui se suicident? Parce qu'ils voient juste clair, mais juste pas assez clair. Mais c'est la partie la plus chienne de l'évolution mentale de l'homme, une souffrance mentale qui va être pas mal plus, disons, terrassante, traumatisante que la souffrance matérielle et ces choses-là. Sauf que ça ne dure pas longtemps. Mais ceux qui survivent, c'est-à-dire que ceux qui sont capables de ne pas se prendre au sérieux pendant leur amélioration, donc celui qui voit, mais qui voit pas assez, ben il se dit, ben tant pis, il m'attend, à un moment donné, ça va venir. Mais celui-là, il va vivre heureux. Il ne souffrira pas d'évoluer. Tandis qu'il y a beaucoup d'humains déjà qui émotivement souffrent d'évoluer, il faut comprendre que c'est normal qu'à un moment donné, plus vous voyez, bien, plus ça a l'air laid. Mais vous ne voyez pas tout. Alors, si on est humble, si on ne se prend pas au sérieux, bien, on se dit que, bon, bien, c'est ça, on ne voit pas tout. Hein? Pour l'instant, on voit que bien, de la merde, on voit que du viol, on voit que ceci, on voit que cela, on voit tout ça. On voit qu'on est manipulé, on voit qu'on a donné de la merde quand on ne voulait pas, on voit qu'on a... Ben oui, on le voit. Ben avant, on ne le voyait pas. Bon, c'est pas une raison de se tirer une balle dans la tête, crime, on voit plus. On s'améliore. Sauf que l'humain, lui, se culpabilisant, se projetant toujours dans un libre arbitre qu'il n'a pas, ben évidemment, il ne vaut pas la peine de vivre. Ben oui, ça vaut encore plus la peine de vivre. C'est en train de faire la transition. Eh bien, c'était relativement souffrant pour celui, pour l'ego qui se prend au sérieux. Vous savez, quand vous pensez, à un moment donné, vous avez un livre. Toutes les réponses du monde sont dans ce livre. C'est génial. Vous ouvrez le livre, puis là, on vous montre un miroir. Vous voyez la face. Là, vous tournez la page, un autre miroir. Commencez à l'apprendre sur l'univers. Tournez la page, un autre. Mais à la fin du livre, vous en savez sans doute mauditement plus sur l'illusion du monde. Vous êtes maintenant différent des autres. Toutes les autres sont convaincus que les choses sont comme ils pensent qu'elles sont. Puis vous, vous avez découvert que le monde est à votre image. C'est-à-dire que si vous changez votre vision, le monde va changer. Matériellement, les individus restent, l'arbre va rester à la même place, mais l'arbre ne sera pas le même énergétiquement pour vous. Maintenant, vous en savez plus, en savez-vous toutes? Et non, c'est là que l'humain souffre. Maintenant que je sais tout ça, puis ci, puis ça, là, ben qu'est-ce que je fais? Tu vas voir Astérix à la télévision, tu vas voir un film, tu lis Tintin, tu relaxes. Tu continues à faire ce que tu fais. Il n'y a pas de pilule. Oui, mais ça me tenterait de faire tel coup. Mais si ta vibration, fais-le. Puis si tu n'as pas vibration, fais-le pas. Ça me tenterait de devenir végétarien. Bien, si ça te tente, fais-le. C'est une philosophie du végétarisme. Tu vas te rendre compte que c'est une illusion. C'est parce que tu digères de moins en moins la viande. C'est parce que mécaniquement, tu t'en vas vers ça. Et c'est parfait. Alors, l'humain fait sa transition lentement et tout va bien. On se porte. Hein? L'évolution, c'est le fun et c'est facile quand on se prend pause. Est-ce que le phénomène égrégorien peut être utilisé d'une façon à faire évoluer sur le plan de la conscience planétaire? Par exemple, le fait de former mentalement une image de paix dans un groupe devient-il une façon évoluée d'utiliser l'égrégore? C'est-à-dire qu'en faisant cela, on crée un autre égrégore qui, évidemment, a été inclus dans les égrégores sociaux collectifs, donc qui, lentement, vont finir par cheminer et ça va augmenter peut-être d'une petite grande vibratoire l'évolution pacifique des gens, ce qui, évidemment, est un phénomène convenable. Ce qu'il faut comprendre dans l'évolution, disons, des égrégores, c'est que l'être humain, dans toutes les théologies prises, ne sait pas comment recevoir. Lorsque l'on prie, on place de notre énergie vitale dans le ciel. On place des trésors dans le ciel. Ces trésors-là ne rouillent pas. Mais le maudit problème, c'est que vous les placez là, puis vous n'êtes plus capable d'aller chercher. Une fois mort, on va vous les donner, d'accord. Mais ce qui va arriver, c'est que l'être humain prie, il a perdu les clés. D'ailleurs, le nom est un des clés. La semaine prochaine, on va revenir aussi sur pourquoi avoir un nom, parce qu'on pourrait dire, si le nom nous manipule, nous assujettit, autant puis en avoir. Non, non. Le nom a une utilité absolument extraordinaire. Sauf que les noms du passé sont des problématiques. Alors, l'humain prie, l'humain met de l'énergie, l'humain médite, l'humain transcende, l'humain fait des choses, il remplit ce ciel d'énergie. Prochainement, il y a des humains qui vont venir sur la planète, comme il y en a déjà eu un, et qui vont être capables de se servir de ce réservoir massif pour commencer à faire des choses au niveau de la transmutation énergétique planétaire. Mais les humains ne peuvent pas le faire pour l'instant parce que les églises ont caché les clés pour qu'on puisse mettre, mais pas aller chercher. Et ils ont perdu ces clés. Les prêtres ne savent plus comment. Les prêtres, je ne parle pas que du catholicisme, je parle des prêtres, ils ne savent plus comment. Et évidemment, intuitivement, l'homme nouveau va recommencer à redécouvrir les clés. Le nom est une des clés, mais il y a d'autres clés. Toutes les égrégores, on peut les altérer. Quand je parle altérer, ça ne veut pas dire nécessairement les décadencer. Ça peut les améliorer. Donc, on les altère par ces choses. C'est extrêmement bon. Chose certaine, c'est que lorsqu'un humain évolue sur la planète, c'est toute l'humanité qui évolue. Lorsqu'un humain évolue, c'est toute l'humanité qui évolue. C'est des phénomènes qui sont à peine perceptibles, mais c'est des phénomènes qui sont reliés à l'évolution collective. Et toute l'énergie placée dans ce ciel va servir à un moment donné à finaliser les choses. D'ailleurs, lorsque le ciel aura complètement été épuisé par l'expression de ces personnages nouveaux, il n'y aura plus de ciel. C'est ce qui a fait dire à Jean de Patmos, les gens à cette époque rechercheront la mort et ne la trouveront pas. On ne peut pas mourir. Physiquement, oui, mais pas au niveau de l'âme. On a déjà fait une conférence sur ce survivre à sa mort. On ne peut pas mourir s'il n'y a pas de monde de la mort. On ne peut pas mourir s'il n'y a pas de ciel. Et effectivement, vers ce phénomène de la fin de l'Apocalypse de Saint-Jean, on aura justement transmué en matière. Enfin, certains personnages se seront servis de cette énergie placée là pour l'homme. Ils s'en serviront pour l'homme. Et effectivement, à cette époque, ceux qui ne comprendront pas rechercheront la mort. Il n'y aura pas de mort. Il y aura une mort physique et réincarnation instantanée, mais il n'y aura pas de mort dans le monde de la mort. Il n'y aura pas de ciel. On va revenir de toute façon là-dessus dans la conférence « Ce que le Nazaréen n'a pas dit ». Mais en attendant, le nom est un phénomène égrégorien. C'est un nombre de formes qui amène énormément de possibilités, qui amène énormément de problèmes. Alors, lorsque l'on parle d'égrégore, évidemment, on parle de nom. Mais ça, on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Le frère André a dit, si on savait la valeur de la souffrance, on demanderait à genoux de souffrir. Commentez, s'il vous plaît. Moi, mon frère André ne m'a jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est que la souffrance chez l'homme? La souffrance, c'est simplement le refus d'une mémoire d'être transformée. Lorsque le corps qui conserve sa mémoire, lorsqu'on le coupe, on transforme cette mémoire physique. Il y a souffrance. Lorsque vous vivez avec un perroquet ou un serin, à un moment donné, celui-ci s'envole ou meurt, vous ne pouvez plus vivre avec. La mémoire, le conditionnement doit maintenant s'adapter. Il ne veut pas. Il y a donc souffrance psychologique. La souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque l'être humain qui n'a pas d'intelligence, l'homme nouveau n'aura plus besoin de souffrance, mais l'être humain qui n'a pas d'intelligence, il a de l'intellectuance. Quand je parle d'intelligence instantanée, de contact supramental, de la possibilité de savoir les choses sans les avoir expérimentées. L'intellectuance, il faut les apprendre. Bon. L'être humain qui n'a pas d'intelligence, il s'assoit et il est bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne fait rien. À un moment donné, il a mal aux fesses. Ben, il se lève. Il n'a pas mal aux fesses, il ne fait rien. À un moment donné, il a faim. Ben, il mange. Il ne comprend pas l'intelligence de l'entretien mécanique de son corps. À un moment donné, ben, il vit dans une société où est-ce qu'il peut manger, où est-ce qu'on, de temps en temps, la chaise le lève. Il ne souffre plus. Quelle évolution l'homme fait? Aucune. Alors, l'homme ancien a donc besoin de la souffrance, parce que la souffrance, c'est ce qui le pousse, le catapulte vers l'évolution. L'être humain, tout à l'heure, je l'ai dit, il évolue pour ne plus souffrir. Il fuit la souffrance, il recherche l'Éden. C'est pourquoi il évolue. Dans le contexte du frère André, à l'époque où cela s'est passé, c'était tout à fait intelligent que celui-ci dise que plus l'homme souffre, mieux c'est. Mais il faut que l'homme comprenne le rôle de la souffrance. Parce qu'il y en a qui souffrent, puis qui broient, puis qui souffrent, puis qui s'écrasent, puis qui souffrent, puis qui s'écrasent. Assez qu'à un moment donné, à ta place, à leur place, vous souffririez. Mais lui ne souffre plus. C'est adapté à son contexte de souffrance, donc il est aussi bien que celui qui apparemment est dans un autre contexte. Alors, on doit donc maintenant peut-être le guérir, le sortir de là, le vouloir l'envoyer à l'école, le laver. Bref, le faire souffrir, d'une autre façon. La souffrance pousse l'homme, la peur le freine, une chance, parce que la souffrance, c'est un mot, t'as dit, bon, poussoir. S'il y aurait juste la souffrance, l'humain s'en irait dans des illusions d'évolution absolument dangereuses. La peur le restreint. C'est pourquoi l'être humain est donc poussé par la souffrance, contraint un peu par sa peur, ce qui est intelligent. Lorsque l'homme nouveau ou lorsque l'être humain transite vers l'homme nouveau, lorsque ces choses arrivent, l'être humain comprend l'intelligence de l'amélioration. La souffrance n'a plus de raison d'être et l'homme n'a plus peur. Dernièrement, je disais, l'homme nouveau n'a pas peur. Et quelqu'un me disait, ah ouais, je comprends bien, tu n'as pas peur, ça veut dire que tu roules à 200 000 à l'heure sur métropolitain. Non, l'homme nouveau est intelligent. Il n'a pas besoin de la peur pour rouler d'une vitesse limite. Déjà, il ne vaut pas l'intelligence de rouler à 200 000 à l'heure quand quand son chat ne peut pas le faire, et puis en plus quand il y a plein de trafic. Donc, la peur n'a rien à voir avec la limitation. Chez l'homme ancien, oui. T'as pas peur des chiens, fait que tu fous les chiens que tu rencontres. Mais non, t'as pas peur des chiens, puis tu sais que c'est mort. Tu fais attention. Vous avez abordé lors de conférences antérieures le phénomène de Lazare comme étant le maître de l'astral. Pouvez-vous élaborer, puisque dans la Bible, on ne parle qu'une fois de Lazare? Oui, dans la Bible, on ne pouvait pas en parler plus parce que le phénomène Lazare est un phénomène qui devait rester absolument secret, mais on devait quand même le placer au niveau des mémoires astrales, donc on en parle une fois. On va sans doute faire une conférence à un moment donné juste sur le phénomène Lazare, disons que ce n'était pas encore le temps, on va quand même en parler un petit peu là. Lazare a été le seul véritable, disons, disciple initié par le Nazaréen. Lazare n'est pas mort. À un moment donné, on vient chercher le Nazaréen, on lui dit « Lazare, ton ami est en train de mourir, il est mourant. » Et le Nazaréen dit « Ah, il n'y a pas de problème, on va bouffer, on va fêter. » 3 jours après, il s'en va le voir là-bas, puis on vient voir le Nazaréen, puis on lui dit « Lazare est mort, il pue. » Tu sais, c'est pas trop tard. Le Nazaréen leur dit « Non, il n'est pas mort, il dort. Il était mort physiquement, mais il n'a pas pénétré le monde de la mort en perdant l'identité astrale, donc son identité périphérique, périsprique ou séraphique. C'est-à-dire que Lazare n'a pas pénétré le monde de la mort comme les humains la pénètrent. Le corps physique, on s'en fout, mais Lazare n'était pas mort. Lazare, le maître de l'astral, pour la simple raison que le seul humain qui, à l'époque du Nazaréen, a eu une confiance inouïe, mais une confiance énergétique en ce Nazaréen a été Lazare. Pierre a eu un contact supramental à un moment donné qui lui a permis intuitivement de savoir qui était le Christ ou le Nazaréen. Mais Pierre n'avait pas de fondamentalité énergétique lui permettant de supporter le contact du Nazaréen. À l'instant où on a séparé le Nazaréen de Pierre, Pierre est tombé. Il a renié le Nazaréen et on en a parlé un peu au niveau de Fatima. Lazare a été celui qui a reçu, disons, la contingence de continuité du travail du Nazaréen, et non pas Pierre. Pierre a reçu, une phénoménologie d'orchestration théologique. C'était essentiel, on l'a vu la semaine dernière, disons, au niveau de Fatima, la conférence de Fatima. Alors donc, Lazare est le maître des phénomènes astraux pour la simple raison que Lazare, c'est le personnage qui règle présentement l'évolution de l'humanité. Et c'est lui qui a induit à un moment donné de l'évolution de l'humanité l'ordre rosicrucien en 1300 et quelques, 45. Et c'est lui aussi qui a induit l'ordre de la franc-maçonnerie. Donc tout à l'heure, je ne voulais pas en parler parce qu'il y a des raisons intelligentes à cela. Chose certaine, c'est que Lazare manipule et les guerres et le priori de Sion et les phénomènes de toute l'évolution de la planète. Il dirige donc le bien et le mal. Et lorsque l'on dirige le bien et le mal, on dirige l'initiation de l'homme. Lorsque l'on dirige le bien et le mal, on dirige. On va de toute façon revenir à un moment donné sur le phénomène Lazare. Disons que ceux qui peuvent être intéressés, Lazare est apparu pour la première fois en Lémurie. Il a vécu avec Noé sur le continent atlantéen, parce que Noé, c'est là qu'il est apparu. Il faisait de la recherche génétique. Il a d'ailleurs créé le chat et le chien, entre autres. Et Lazare est apparu par la suite avec Salomon, l'un des plus grands rois que l'humanité a connu. Il portait un nom, Hiram-Abiff. C'est lui, d'ailleurs, qui a construit Babylone, les plans. Et Lazare est donc réapparu à l'époque du Nazaréen. Et Lazare est réapparu par la suite dans des corps qu'il pouvait aller se chercher. Et on le connaît surtout depuis l'époque sous le nom du comte de Saint-Germain. Il a ici aussi été connu, dans le phénomène de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et c'était un bonhomme qui portait un nom intéressant, Souffrance. Payne. On ne l'a presque pas vu, Thomas Paine. Il est venu juste pour rédiger et il est disparu. Et on le reconnaît aussi sous d'autres phénomènes. Mais c'est un personnage intéressant.